Hey, salut, c'est Renaud, chanteur énervant. Moi, j'écoute Actu Solide sur Indestar parce que des fois, ils parlent d'alcool et ça me parle. Tout le monde écoute Actu Solide. Actu Solide sur Indestar. À Bémousse. Bon. Et non. Mousse. C'est bon, t'as fini? Oui. Hein? Non, j'étais en train de chercher dans quelle langue c'était, mais je n'ai pas la réponse. Bonsoir, Rebelle. Bonsoir, Théo. Bonsoir. J'ai oublié ton prénom presque. Ah non, mais j'ai deux prénoms ce soir. Voilà, je me dédouble, disons. Ça fait un peu bizarre, hein, on dirait un petit peu. Non, j'ai l'habitude d'être schizophrène, non, t'inquiète. Tout va bien. Ce soir, vous l'avez compris, vendredi soir, la spéciale Actu Solite. Ça n'arrive qu'une fois par an. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est bien trop, hein. C'est ce soir. Ce soir, c'est simple. Moi, Théo, Anaïs, animateur. Ok, on t'as commencé par toi. Ouais, et toujours. Ça te gêne pas. Ça m'a le poli. Non, ça me dérange pas. Ouais, négo surdimensionné, quoi. Toujours commencer par toi. Oui, bah c'est bon. Et, vas-y, parle, Anaïs, comme ça on dira pas. Présente les équipes. Bonsoir. Bonsoir, Anaïs. Alors nous avons bonsoir Teddy. Alors nous avons réparti deux équipes. Mm-hmm. Pourquoi on a réparti deux équipes? Parce qu'on va s'affronter pour savoir qui sera le concon de l'année. Le concon de l'année. Ouais. Alors j'aime bien le on va s'affronter parce qu'elle fait rien du tout, elle s'affronte pas elle. Hein. Non, nous on vous posera les questions. Vous allez vous affronter. Voilà, oui. Là. Exactement. Non, parce qu'elle sait très bien ce que c'est que le titre de concon de l'année, elle veut pas. On l'a déjà tous gagné en fait. Non, mais c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Ah. C'est-à-dire que tout au long de l'année, si vous êtes fidèle de cette émission d'Actu Solide, vous avez pu suivre les aventures de tous les candidats qui sont passés au cours de l'année. Les quoi, les candidats? Les candidats, ouais. Voilà, bon, d'accord. Et qui ont joué donc pour question pour un concon avec notre fameuse animatrice. Mademoiselle Amélie, pardon. Merci. Avec son fidèle compagnon Henri. Oh oui, tout à fait, Mademoiselle Amélie. Exactement. Et donc ce soir, bah là, on arrive au bout de la saison et voilà, un peu de lèche-cul, c'est vrai, Henri. Hein. Mais je l'aime bien du coup. Ouais, bah oui, je sais. C'est pour ça que tu l'aimes bien. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement ça. Et donc ce soir, oui, il y a quand même quelque chose à gagner. Vous allez gagner des vrais cadeaux, mais seulement certains d'entre vous, puisqu'on a fait deux équipes. Donc seule l'une des deux équipes sera élue concon de l'année. Les autres, ils repartiront brocouille. Voilà. Alors, quelles sont ces équipes, Anaïs? Alors, nous avons l'équipe Nuts, c'est ça? Noisette. Noisette. Ouais, Nuts, Noisette. Ça dépend l'anglais ou le français. Noisette, ça fait vraiment con. On va dire Noisette. Hein. Ouais, parce Noisette. Que ça fait vraiment con, Noisette. Hein. Bah, con. Je trouve que c'est très bien. Tais-toi, Teddy. Nous avons Teddy, Antoine et Brigitte. Et nous avons l'équipe Pika, c'est ça? Oui, yeah. Avec Daniel, Nico et Catherine. Yes. Yeah. Yes. Donc, j'ai parlé plus que d'habitude. Pour l'instant, parfaite égalité 0-0. Ça commence bien. Voilà. Mais tout au long de ces deux heures qui vont suivre, Stéphanie de Monaco. Non, c'est quand même l'une des réponses. Ouais. C'est quand même curieux qu'on commence avec un score nul quand même. C'est bizarre cette émission. C'est vrai qu'il aurait pu avoir. Vu qu'on c'est est, pas comme dans PK. Tu sais, dans quelque part, dans Actu Solide, tout peut jouer. Hein. On pourrait commencer à 5-5 hein, si tu veux. Hein. Ouais. Ça revient au même. Ça revient au même. 0-0, 5-5. Bah non, comme ça, il n'y aurait pas de Jolan. Bah ouais. Ouais. Mais juste avant. Avant quoi? Il me semble on a des places à faire gagner ce soir. Ah, alors ça c'était toute cette semaine effectivement. On vous offrait vos places pour aller faire du Segway. C'est quoi du Segway? C'est gyropode trottinette. Merde, j'ai dit la réponse. Ah, t'as dit quoi? T'as dit du gyropode. Mais non, mais c'est pas grave. De toute façon, ça c'est la réponse. De toute façon, ça a été gagné. Non, mais c'est le jeu est clos. Voilà. Exactement. Vous aviez toute la semaine pour aller sur Facebook, sur la page Facebook Indestar, et donner l'autre nom du Segway. Et donc c'était du gyropode. Et vous avez été quelques-uns à jouer. Et donc, une seule personne va gagner ses places. Alors, vous n'allez pas y aller tout seul, hein. Vous allez y aller avec la personne de votre choix. Qui a été tirée au sort, Amel? Enola. Enola. Alors, tu sais quoi? On va appeler Enola. Ouais, vas-y, on t'attend. Et pour lui offrir ses places. Wow, ça, c'est toujours... C'est fort, hein. C'est... Ouais. Ça sonne chez moi. J'aime bien quand ça sonne. Signe. Déjà, c'est déjà bien. Vous faites pas trop les relous, les gars. Ouais, bah ça m'étonnerait. Tu rigoles, ne lui faites pas peur. C'est pas notre genre, ouais. Ouais, c'est ça. Bah non, on est gentils comme tout, nous. C'est marrant, mais je crois que je la connais. C'est vrai? Ah bon? Ouais. Tu connais des Enola? J'en connais une, c'est une stagiaire. Mais Amel aussi, elle connaît une Enola. Ouais, bah voilà, quand j'ai jamais entendu ce prénom avant. C'est pas ma stagiaire, moi. Ah, moi c'est ma stagiaire. Par contre, il faut qu'elle réponde, Enola. Bah moi j'ai pas de stagiaire qui s'appelle Enola. Ah bah voilà, elle ne répond pas, Enola, c'est dommage. Ok, tu voulais qu'on rappelle? Bah oui, on insiste. Insistons. On a deux heures. Après. On a deux heures pour l'appeler. Oui. La harceler. Attends. C'est pour gagner 1500 euros, c'est ça? C'est ça. Non, non, pas du tout. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Ça va, vous? Faites de la pub, allez-y. Vous en prie. Non, mais comblé pendant. Non, non, mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'une des stars va racheter Skyrock, ça sera mieux après. Exactement. Skyrock. On a largement les moyens en plus, franchement, c'est nickel. Bien sûr. C'est pas comme si on allait écraser dans peu de temps. On mettra du rock. On le sait pas encore, ok? Un peu de positivité. Mais oui, c'est l'été. Il y a une guinguette qui va ouvrir à côté du. C'est merguez taboulé. Alors. Ok. Ah, ça, ça sonne. Ça sonne encore. Oui. Ah. Ah, dernière chance. Hein. Ah. Ah. Ah. Ah. Eh ben non. Ah. Ça a raccroché. Ça a raccroché. C'est dommage. Bon. On a entendu un souffle. Bah oui, elle a décroché puis elle a raccroché. Mais oui, mais en même temps, on faisait des cons, donc peut-être qu'elle s'est dit c'est quoi ça. Du coup, elle a raccroché. Bah, elle numéro privé, mais bon, en même temps, on l'avait contacté en MP sur Facebook, c'est le jeu. Hein, de toute façon, en même temps, elle connaît une des stars, donc à partir de là, elle sait que, ce qui peut se passer. Hein. C'est ça. Bon, bah tant pis pour toi, Enola. T'as failli gagner tes places pour aller faire du segway. Ouais. Ah bah c'est ça la vie, hein, que voulez-vous. Bon, ce soir, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Je suis désolé de vous l'annoncer dès maintenant, mais ça sera comme ça. C'est pas parce que c'est la dernière de l'année, l'avant-dernière, puisqu'on sera. On triche pour être perdant? Non, interdit de tricher. Pourquoi vous voulez perdre? Non, il faut gagner. Non, mais ce titre honorifique me plaît pas trop, mais bon. Je le prendrai si on bluffe. Hein. Dis-toi qu'après, tu seras pire. Parce que là, c'est con-con avec un K quand même. Hein. Ah oui. Et la fierté de gagner aussi, non? Oui. Ah? Non? Non, ça Daniel, si tu me prends par les sentiments, je vais peut-être essayer de gagner. Mais prends juste si tu gagnes, tu pourras ramener les gâteaux qu'on a achetés. Mais ils sont dégueulasses. Tu ramèneras la. C'est pour ça. Je les enlève. C'est ça le lot, on est mal barré. Hein. Moi, je leur laisse. Bah, on va commencer juste après, non? Juste après quoi? Par jouer, quoi c'est ça, oui. Oui. Et on commence juste après quoi? Voilà. On va écouter. Ah oui. Je sais pas. On va écouter Mac Tufik. T'es sérieux? Oh putain, bah, MC Tufik, bordel! T'es sérieuse? Mac Tufik. T'es cru au McDo quoi? Tu veux un Mac Tufik? C'est ça. Avec une Tufik. Un Mac Tufik. Je vois pas. Le MC Tufik. Qui était venu nous voir l'année dernière. Rappeur emblématique d'Indestar, j'ai envie de dire. Avec son titre Je dérape. On s'est dit qu'on allait faire une programmation spéciale ce soir pour cette spéciale d'actu solide du vendredi soir. Donc MC Tukouf et qui? Ouais, MC Tukouf, je suis d'accord. MC Tukouf. Il est pire que moi, quoi. Ah, ça va être c'est bien. Allez, fous-toi de ma gueule. Alors, on écoute quoi? MC Tukouf. Avec le titre Je dérape sur Indestar. Ok. MC Tukouf 2020. Wesh bébé. Je dérape dans ma prose et dans mes rimes, je dérape. Tout cela à quoi ça rime, je dérape. Dans ma caisse à 100 à l'heure, je dérape. Bien plus que sur mon booster, je dérape. Pour oublier tous mes malheurs, je dérape. Avec la main sur le cœur, je dérape. Pour faire plaisir aux poteaux, je dérape. Pour la mifa et la gauche, je dérape. Ça va finir en zonzon, je dérape. Faut que je stoppe mes actions, que je rappe. Oui, car tu dérapes souvent. Bientôt t'auras le vent. Tu vas droit vers le mal. De ton idéal, il y a bien bien longtemps que tu t'égares maintenant. Ne tire plus de balles pour éviter la malle. Je dérape, après une soirée bien arrosée, je dérape. T'as la gueule bien amochée, je dérape. Il paraît que je t'ai cogné, je dérape. Je me rappelle plus ce qui s'est passé, je dérape. Ce qui est sûr, c'est que c'est moins pire, je dérape. Que la fois où j'ai volé une tire, je dérape. Pour foncer en Toyota, je dérape. Dans le mur du commissariat, je dérape. Faut dire qu'on a bien trippé, je dérape. Mais un jour, il faut changer que je rappe. Oui, car tu dérapes souvent. Bientôt t'auras le vent. Tu vas droit vers le mal. De ton idéal, il y a bien bien longtemps que tu t'égares maintenant. Ne tire plus de balles pour éviter la malle. Dérape, tu te souviens de la fusillade, je dérape. Un jour dans ta balustrade, je dérape. Tout ton linge était troué, je dérape. Les pneus de ta caisse percés, je dérape. Sur la gâchette de mon AK, je dérape. Tu dansais comme Travolta, je dérape. Avec mon look de banlieusard, je dérape. Pourtant, je laisserai un au hasard, je dérape. On m'appelle le conquérant, je dérape. Mais ça, c'était avant que je rappe. Oui, car tu dérapes souvent. Bientôt t'auras le vent. Tu vas droit vers le mal. De ton idéal, il y a bien bien longtemps que tu t'égares maintenant. Ne tire plus de balles pour éviter la malle. Oui, car tu dérapes souvent. émission spéciale du vendredi soir, c'est sur Indestar. Elle est très spéciale hein, ce soir, cette émission. Oui, et on chante vraiment bien d'ailleurs. Ah bon, tu crois? J'ai trouvé. Anaïs, elle nous écoutait en mode. Non, mais en fait, on chante vraiment bien. Non, attends. Ça va, en vrai. Pour arriver à ce résultat qui est digne du New Low Music, comme on écoute d'habitude sur Indestar le mercredi soir, on a mis une après-midi complète pour que vous fassiez votre refrain là. Non, c'était pas celle-là. Ouais, enfin, non, mais tout, un peu tout, hein. Toutes. Je crois, oui. Ah, bon, ouais. Toutes, on a mis 4 heures pour. Non, rectification, t'as pas le rythme, donc t'es nul. Donc c'est à cause de toi qu'on On a mis beaucoup de temps. Non, mais si on chipote, il y a de la prod derrière, il y a des effets, il y a des trucs. Voilà. Putain, il est con lui. Non, on a galéré. Mais d'ailleurs, comme à l'instant, on a voulu appeler pour vous faire gagner des places de Segway, on a galéré aussi. Alors, on a galéré avec Enola. C'est dommage, Enola, ça te passe sous le nez. Chez Enola. J'aime bien les rappeler, tu sais. Par contre, on a un autre numéro, c'est celui de Ludo. C'est ça. Ok, et bah on va appeler Ludo. Alors à ce moment-là, hop, en espérant Ludo réponde, peut-être ouais. Que si tu réponds, tu vas gagner tes places. Ah, déjà ça sonne. Oui, bah oui, comme tout à l'heure. Ouais, bah oui, non, mais ça, ouais. Et déjà le téléphone. Allô, allô. Allô, Ludo. Oui, c'est moi. Bonsoir, Ludo. C'est la radio Indestar qui t'appelle. Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle, Ludo? Ouais, pour le jeu. Ah, le jeu, donc tu as joué sur la page Facebook Indestar. La question était, quel est l'autre nom du Segway? Est-ce que tu as la réponse? Le gyropode. Le gyropode, eh bien c'est une bonne réponse. Je t'annonce, Ludo, que tu vas pouvoir aller faire du Segway dans les rues d'Amboise, aller visiter toute la ville en Segway, donc en gyropode. Comme ça, sans user tes petites papates, ça va aller tout seul, c'est électrique. Voilà, faut juste tenir debout, mais ça devrait le faire. Donc tu vas pouvoir y aller avec la personne de ton choix, et quand tu veux. Voilà, Ludo. Bon. Eh ben c'est super, ça va, merci beaucoup. Eh ben merci à toi d'avoir joué, reste fidèle à Indestar et on te fait des gros bisous et on te dit à bientôt. À bisous, à bientôt. Salut Ludo, passe une très bonne soirée, ciao ciao. Et bien voilà, comme ça on a offert nos places. Bah voilà, on s'en est débarrassé. Hein. Ça y est, c'est fini. On passe à autre chose. Allez, il y en a marre, merde. Bon oui, ce soir il y a de l'enjeu, Amel. Qu'est-ce qu'on fait gagner? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux donner les cadeaux? Bah dire les cadeaux maintenant? Ah non, mais non. Cadeaux, ça sera la parce surprise après, à la fin. Après, ils vont être trop déçus. Ça va être la mauvaise surprise de la fin. Ça. Et parce que là, le gyropode là, hein, là ouais. C'était pour les auditeurs. Ouais, ouais, ouais. Mais alors vous, on a bien compris, c'est un cran en dessous. Même plus d'un cran. Nous, on n'a même pas le gyro et à peine le pod. On vous dit pas maintenant. Pensez que c'est un bon cadeau, ça va vous donner envie de jouer encore. Ouais, à mon avis, ça va être un sachet de levure ou un kilo de sucre encore. Attends, c'est. Ça vaut cher. Pénurie de beurre. Oui. Pénurie de sucre, hop, ça passe. À l'époque où on est, tu verras que. Les nouilles, rappelle-toi les nouilles. Le PQ. Rappelle-toi le PQ. Eh oui, rappelle-toi du PQ. Alors qu'on se remette un peu dans le contexte, on a deux équipes. L'équipe Noisette, l'équipe Pika, okay. Qui vont s'affronter ce soir. Et on va commencer la première manche. Oui, alors on rappelle que on élit le concon de l'année, oui. Et qu'on joue dans Question pour un concon, comme le jingle l'indique. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour Question pour un concon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Henri. Bonsoir mademoiselle Amélie, oh je suis ravi, ému d'être là ce soir parce que c'est une soirée spéciale quand même. Ça fait que 2 jours qu'on s'est pas vu, j'ai l'impression que c'était une éternité. Ah, vous m'avez manqué mademoiselle Amélie. Moi aussi énormément. Et... Enlève le poil du cul. Oui ça fait zozoter, t'as raison. Qui sont ces intrus qui viennent nous squatter ce soir? Attends, ils nous demandent de venir, on est des intrus maintenant, il exagère. Hein. Surtout que je suis venu la semaine dernière, ils se rappellent même pas. Ouais. Donc t'étais déjà intrus la semaine dernière. Voilà. Alors du coup encore nous avons... Ouais. De quoi? Non rien. Nous avons l'équipe Noisette. Bonsoir l'équipe Noisette. Bonsoir. Bonsoir c'est tout le monde. C'est très viril hein, l'équipe Noisette. Mais oui, on est le Noisette, nous avons Teddy, nous ouais. avons Antoine et ouais. nous avons Brigitte. Nous avons voilà, c'est ça, c'est tout. Et nous avons aussi l'équipe Pika. Et qui nous avons dans l'équipe? Alors, l'équipe Pika, nous avons un certain Daniel, un certain Nico et une certaine Catherine. Waouh, t'es motivé. Elle l'a fait, oui, elle est motivée. Je sais pas s'il y avait besoin de préciser Daniel, parce que je crois que tout le monde l'a entendu là depuis le début. C'est vrai que le petit Daniel, il est causant, hein, comme on dit dans le jargon professionnel. Bah, t'as voulu que je vienne, non? Ah, bah oui. Maintenant, tant pis. Il manquait un joueur. C'est pas vraiment qu'on avait voulu, c'est qu'il manquait du personnage. Ah, sinon, tu venais pas. Et du coup, ce soir, plusieurs petits jeux. Ah. Et chaque question, chaque petit jeu vous remportera des points. Ah ah, et attention, parce que la somme de ces points fera que à la fin nous ayons le concours de l'année. Oui, mais du coup Henri, c'est toi qui calcule, parce que 1 plus 1 c'est un peu compliqué. Alors moi j'ai du mal avec les mathématiques, je me suis arrêté en 3ème année. Moi je peux le faire. De maternelle. Ah oui, ouais. Non, non, non, c'est moi qui le fais. Non, non, non, non. Non, il va tricher si c'est lui. Du coup, on va passer peut-être à la première manche, non? Très bien, alors la première manche, en quoi consiste-t-elle? Alors, vous disposez normalement de chacune une équipe, une ardoise. Ok, bien avec, sûr. Avec les stylos qu'il faut, bien sûr, Henri. Avec tu, les stylos tu as fait ton travail qu'il faut, oui. Bien voilà. Sûr, Amélie. Regarde, il est en train de lancer tous les stylos. Là. Et vous avez quelques secondes pour vous mettre d'accord. On regarde tous les stylos comme ça, ils en ont pas. Mais il se tait. Pardon. Anaïs, tu as pas ta règle. C'est comme moi, il peut pas se taire. C'est pas possible, on peut pas travailler avec eux. Ah bah non, c'est compliqué. Henri, dis quelque chose. Mais vous avez voulu inviter des animateurs radio, mademoiselle Amélie. Alors forcément, c'est compliqué. Hein. Et pas ceux qui se taisent. Il dit qu'il y a couleur pour le stylo. Mais il se tait lui aussi. Et vous allez avoir du coup quelques secondes pour vous mettre d'accord, pour me noter la bonne réponse sur l'ardoise. Et vous disposerez de 10 questions avec 3 propositions de réponse. Très bien. Ça c'est bon. Questions. C'est clair. Ah, ça rappelle la première manche de questions pour un concon. Bah bien sûr. Oui. Attention, vous êtes tous prêts? Ready? Ready? Fire. Ready. Set. Yes, of course. On peut passer. Yes. Première question. Quel est le prénom de la princesse dans le film d'animation Aladdin? Petit A, Lily. On évite de dire la réponse. Non, on entend dit. Petit B, Rose. Petit C, Jasmine. Et vous. Celle-là. Et vous avez quelques secondes. Alors, ils ont déjà trouvé apparemment la Ils ont réponse. Faux. Ils ont faux. Non, mais attends, faut que je vais finir. Alors, vont du Jasmine. Oui. Jasmine, pardon. Et eux, ils ont Jasmine. Et ils ont oublié le N, en fait. Ils l'ont orientalisé. Voilà. Juste un C aurait suffi. Je crois qu'ils ont pas compris. C'est Jasmine aussi. Ou c'est Jasmine? C'est Jasmine. Oui, bah, elle l'a écrit en Jasmine. Phonétique. Ils ont faux. C'est pas de la phonétique, ça. Bon allez, on la compte. Bon, c'était donc la réponse C. Ça fait un point pour chacun. C'est bien Henri. Tu t'en sors pour l'instant au niveau des points, ça devrait aller. Pour l'instant, ça va. Voilà. Deuxième question. Quel pays asiatique a élu pour la première fois une femme présidente en 2012? Petit A, la Corée du Sud. Petit B, la Thaïlande. Petit C, l'Inde. Et ils sont dissipés, je suis sûr ils vont pas écouter. Non, non, c'est que il y avait un petit truc à préciser, donc. Can you repeat the question? Oui, parce que là. Alors, on répète la question, mais attention, dans Question pour un cocon, on répète les questions. Oui. Merci Henri. Dans quel pays asiatique a élu pour la première fois une femme présidente en 2012? Petit A, la Corée du Sud. Petit B, la Thaïlande. Petit C, l'Inde. J'entends des réponses qui s'ouvrent. Mais c'est pas la même que vous, l'équipe noisette. Ouais, hein, par contre, ouais, non. Alors, on a du. Nous, on a misé sur la Thaïlande. B. Parce que c'était la Corée du Nord, la première. La Corée du Sud. Ah, du ouais, sud. Ça m'étonnerait. Hein. Si, si, si. Et à, à votre avis, Henri? Eh bien, je crois que c'était la Corée du Sud. Eh oui, c'était la réponse A, la Corée. Ah, j'ai plus de points. Ça fait 2 points. Il fallait être sûr de toi. L'équipe. Moi, j'étais pas sûr de moi. Pika. Question numéro 3. Est-ce que tout le monde écoute? Question numéro 3. Dans quel pays est né le chanteur dit le Rital, Claude Barzotti? C'était pas mal ça. Petit A, l'Espagne. Petit B, l'Italie. Petit C, le Portugal. Ça sonne quand même. C'est bien le destin, il y a des clowns. Ah oui, c'est la C, évidemment. Ah, c'est pas nous avons clair. L'Italie, évidemment, ça sonnait très italien sur le nom, mais. Et bah, j'ai fait poser la question à Anaïs, elle m'a dit Portugal, mais c'était bien l'Italie du coup. Franchement, Anaïs, vous déconnez, hein. Décevant. À plein tu vas. Mais j'avoue que j'ai pas. Voilà, j'ai pas réfléchi, ouais. Question suivante. Le Rital, c'est pas oui, italien, on passe, le Rital. On passe, c'est ça. Vraiment. Comment appelle-t-on l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers? Celle-là, je l'ai eue. Petit A, le grand boom. Petit B, la déflagration géante. Petit C, le Big Bang. Arrête de rigoler à chaque fois, Henri. En vous même donnez... temps, il y a des propositions assez marrantes. Vous donnez... La déflagration, c'est ce que je fais quand je pète. On est content de le savoir, Teddy. Nous avons deux réponses. C'est évidemment la bonne réponse, le Big Bang. D'où Teddy est surnommé le Big Bang, c'est ça. Hein le... Ouais. Ouais, ouais, on le surnomme le Big Bang à cause de ça. Hein. Ouais. D'accord, ok. Si à la radio vous entendez des tremblements de terre, c'est pas des tremblements de terre. C'est que Teddy est à l'antenne. Oui. On est content de le savoir, hein, Henri. Hein, ça nous fait. Tout à fait, mademoiselle Amélie. Deux belles jambes même. Alors, cinquième question. Quelle est la couleur de la boîte noire d'avion de ligne civile? Petit A, bleu clair et bleu foncé. Petit B, orange et jaune. Petit C, noir tout simplement. Ah ah, la boîte noire serait-elle noire? Et y a-t-il un piège dans cette question pour un concon? Nous avons du B et du B. Et à votre avis, Henri? Eh ben, j'en ai aucune idée. Pour moi, une boîte noire, c'était parfaitement noir. Comme bah non, parce que sinon, tu la retrouves avec difficulté. Donc normalement ils veulent la mettre la plus fluo possible. C'est ça, c'est donc pour c'est être techniquement ouais. La B. Ah ouais, si genre c'est perdu en pleine nuit. Bah oui, mais c'est le but. Mais ils cherchent pas en pleine nuit en principe. Henri, c'était c'est bien la réponse. Mais lors d'un crash, par okay. Ils sont forts nos candidats ce soir. Eh bien, ils sont forts. Pour l'instant, oui. T'as pas invité n'importe qui, attends. Avec toujours un léger avantage pour l'équipe Pika. Oui, mais c'est Pika. Il y a encore du temps encore. Hein. Ça peut Pika. Changer à tout moment. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Pour un concours. Question numéro 6. L'hématophobie est la peur irrationnelle de quoi? Petit A, du vide. Petit B, du dentiste. Petit C, du sang. Je donne un peu ce soir hein, de points, tu vois, comme ça, ils repartent pas complètement brocouillés. Tout à fait, bien oh, t'es, sûr. T'es adorable quand même. On est leur faites croire oh. Qu'ils sont bons. Alors qu'en nous fait, avons c'est du pas C forcément bah, le cas. Des deux côtés, hein. Du C des deux côtés, c'était du la bonne C. Réponse. Ouais, ouais, évidemment. C'était évidemment la bonne réponse. Ils sont ah, forts, ils sont forts. C'est good. C'est bon, le sang. 7. C'est pour le boudin noir, le sang. Ah, c'est vrai. Ça y est, je l'ai dégoûté, c'est bon. Question numéro 7. Au Japon, avant d'entrer dans un logement, il est coutume de petit A, retirer ses chaussures, petit B, s'incliner, ou petit C, boire une bière. Ça me rappelle quelques-unes de vos enquêtes, mademoiselle Amélie. Je m'inspire. Ouais. Ça doit être ça. Allez, A pour tout le monde, quitter ses chaussures dans l'espèce de d'entrée qu'il y a prévue à cet effet. C'est ouais. Ça. Ouais. Et c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ça s'appelle un senzaikai. Un senzaikai? Senzaikai. Ok. Non, c'est une blague. Ça veut rien dire. Ça aurait pu. On va faire partout et n'importe quoi. Là. Bien sûr. Question numéro 8. Qui a composé l'Aude de la Joie, l'hymne de l'Union Européenne? Petit L'Aude A. à la Joie, si je puis me permettre. J'ai dit quoi? L'Aude de la Joie. C'est... Ah, pardon. Ah, je croyais que c'était Aude le prénom, moi. Non, c'est Aude de ouf. L'Aude à la Joie de... Petit A, Mozart. Petit B, Beethoven. Petit C, Wagner. Wagner. Si je puis me permettre. Alors... Comment elle l'a détruit sur la... Nous avons du B et nous avons aussi du B. Et bien sûr, sûr l'hymne de la joie de Beethoven. Ouais, B Beethoven. Comme, c'est Beethoven. Bien, B comme Beethoven. T'as bien fait tes réponses tom, là, tom, c'est bien. Tom, ah ouais, c'est vrai, sans vouloir. Ça y est, il est devenu fou. Question numéro 9. À quel animal l'objectif hippique se rapporte-t-il? Oh, c'était facile. Petit A, cheval. Petit B, chien. Petit C, canard. Maman. Qui va vous avez au moins la bonne réponse. La réponse, c'est évidemment. Bah oui, évidemment, oui. Ce sont les chevals. C'est épique. Bien sûr, les chevals. Épique, moi je croyais que c'était l'infirmier avec sa seringue. Épique. Épique. Les chevals. Ouais, le cheval épique. Ah oui, les chevals, oui, ouais. Tout à fait. Les chevals. C'est nouveau dans le dictionnaire français. En fait, c'est le petit Teddy illustré, ça. Vous réviserez, mon petit Nico. Question numéro 10. Qui était le... Oh qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Petit A, Arès. Petit B, Hadès. Petit C, Apollon. Là, c'est du donné aussi. Oui. On est d'accord, Henri? Oui, tout à fait, mademoiselle Amélie. J'ai voulu donner quelques petites réponses. Je me suis dit, au moins, ça va être parfait. Et ils réfléchissent quand même, l'équipe Picard. Ah, ils ont... Non, c'est qu'on est obligé de communiquer. Ah, c'est... Le en temps... silence. Ouais, le temps que ça passe de là à là. Mais et là. Ils voilà. Ont raison de réfléchir quelque part parce qu'ils ont la bonne réponse. C'était la réponse A. Bien sûr. Évidemment. Ah. Et ce qui fait... Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans cette émission. Un sans faute pour l'équipe Pika. Ah bah, et en même temps, c'est la première fois qu'elle est là, l'équipe Pika. Mais il n'y avait pas eu une faute sur une équipe. Non, c'est l'équipe Noisette qui a une erreur. Voilà. Et une erreur pour l'équipe Noisette avec 9 points et 0 faute. C'est ma faute. Donc 10 points pour l'équipe Pika. Bravo à vous, l'équipe Pika. Alors, Hadès, c'était le dieu des enfers et l'autre. Apollon. C'est le dieu de la beauté. De... Ouais, c'est un truc comme ça, oui, qu'on précise. Oui, bah, parce que d'habitude, les réponses ont rien à voir, mais là, oui, si. Merci, papy Elle a Daniel. Voulu nous induire en erreur. Et pas nous enduire. C'était une question déjà toute faite. C'était pas du tout pour vous enduire. Elle a juste fait du copier-coller, tu vois. Ouais. Donc si je comprends bien, une légère avance pour l'équipe Pika, mais tout peut changer. Non, non mais tout va changer. Oui, tout va changer. Parce que juste après, vous allez chanter. Ah oui. Le chant des migraines, version Anaïs qui change un peu pour la spéciale Actusolite. Mais juste avant, on écoute les Fire Pony qu'on a eu il y a pas longtemps. Ah, tu te rappelles de ça? Ouais. Enfin, il y a pas longtemps, il y a un petit peu longtemps quand même. Mais bah, non, ça fait moins d'un an. Ça fait moins d'un an. Ils étaient venus en live dans les studios. On a eu la chance de les leur nouveau titre, leur nouveau single qui s'appelait On s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. Donc c'est du live, hein, et c'est dans les studios d'Indestar et c'est à revivre maintenant. C'est ça. Tu m'as demandé pourquoi en prenais, je t'ai répondu une nécessité. Tu m'as envoyé un beat sympa, je t'ai répondu ça ira comme ça. Dans cette triste Covid où tout part en vrille, les Fire Poney de retour en ville. En live ce soir dans Actu Solide, tout en haut des charts pour un nouveau hit. Ici ce soir sur Indestar, pour t'enlever un peu le cafard. Si la vie mérite d'être vécue, vivons la fond et bougeons notre cul. On s'en bat les steaks, on s'en balèque, couille de jour ce qui nous détruit. On s'en bat les steaks, on s'en balèque, check yourself bête et profite la vie. On s'en bat les steaks, on s'en balèque, on s'en bat les steaks, on s'en balèque, yeah. On s'en bat les steaks, on s'en balèque, on s'en bat les steaks, on s'en balèque. Never growing up, never like them. Dodge a problem, rest of my life. Stay warm under my shit. Nervous, trouble, pressure. Teenager, I did not come to come. I stand alone, but on my feet. To be told, responsibilities. I haunted my soul life. Woman, rabbit, and noisy dog. I long love for the charity house. My fortune being to a fucking world. For the minimum for 40 years. No 50 cents government. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. Couillard, on joue qui nous détruit. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. Chacun s'est fait bait et profite la vie. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. On s'en bat les steaks, on s'en balèque, yeah. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. Au fond, cette envie de changer. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. Steak au fond de bord, on entend tout valser. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. Steak les TVT qui veulent nous enfermer. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. Steak on y va, on va tout déchirer. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. Couillard en jeu, c'est ce qui nous détruit. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. Check yourself, BT, profite de la vie. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. On s'en bat les steaks, on s'en balèque, yeah. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. On s'en bat les steaks, on s'en balèque, yeah. On s'en bat les steaks, on s'en balèque avec nous. On s'en bat les steaks, on s'en balèque, yeah. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. On s'en bat les steaks, on s'en balèque. Insolite, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Son pari consiste à manger une photo de son idole. Et l'homme a tenu un an avant d'abandonner son projet. Au bout d'un an, il s'est dit marre de chier de la photo. Un je an, suis holographique. J'ai rien fait. Actusolite, tous les mercredis soirs dès 21h sur Indestar. Mais c'est dingue, à chaque fois qu'on l'écoute, on rigole quoi. Ah mais on rigole toujours dans Actusolite, hein. C'est un peu le principe aussi. C'est incroyable. Sauf que normalement c'est le mercredi, mais là c'est le vendredi. Voilà. J'allais dire ce soir du coup vendredi spécial Actusolite. Mm-hmm. On a déjà commencé. Pour élire le concon de l'année. Voilà, c'est ça. Donc pour on a deux équipes. Pardon. Non mais vas-y, je te laisse. Vas-y, non mais deux équipes, quels sont les points? Alors l'équipe Noisette est à 9 points, okay. Et l'équipe Pika a une légère avance sur 10 points, mais tout peut changer. Ah bah, tout peut basculer. Changer. Tout peut basculer. Votre vie peut basculer dans le cours de cette soirée, attention, sachez-le hein. Ouais. Mais non, mais les points peuvent basculer. Mais bien sûr, tout mais leur changer. Destin aussi parce que ils gagneront ou ils gagneront pas, c'est tu pas vois. Rien d'être non, le concours de l'année hein, c'est non, rien. C'est pas rien parce que tu sais que ça si tu mets ça sur ton CV là t'es pas pris. Là t'es pas pris. Non mais c'est parce que ce qui se passe. C'est comme Miss France. Après t'as des engagements partout hein, quand t'es élu le concours de ah, l'année. Ah bah ça. Certainement. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis la vie peut basculer parce que bah vous mettez ça sur votre CV, vous serez président. Manu, il a été, c'est le gagnant de l'année dernière. Il est passé partout. Non mais tu te rends compte après t'es invité à la foire à la rillette, à la foire à la bouillette. De alors... Preuilly sur Creuse. Si ça existe, désolé. Sur Creuse, oui, mais pas sur Creuse. Bon, ça va, alors. Du coup, Anaïs, je te laisse reprendre la main. Ah, tu veux prendre je une main mon jingle, alors. Ah, bah d'accord. Ah, ouais, mais oui. Chant des migraines, chant des migraines, chant des migraines. Et un aspirine. Sérieux, j'ai fait chier pour ça. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous. Je merci. C'est tout pour moi. Allez, 1, 2, 3, on recommence. Super. Alors, la règle. J'arrive pas, hein. La règle du jeu de. La règle du jeu est très simple. Ouais. Je vous propose. Je vais vous proposer des mots que j'ai écrits. Donc, je vais pas vraiment vous les proposer. Je vais... Que t'as écrit je vais toi dire ce que j'ai écrit. Que j'arrive pas là. Alors, je vous ai écrit des mots sur un papier que j'ai plié dans un chapeau. Ouais. Ok. Donc, c'est des mots et vous allez devoir me trouver des chansons avec ces mots-là. Soit le mot est dans le titre, soit il est dans la chanson en elle-même. Donc, en fait, en gros. Que... Pardon, tu vas donner le chapeau à une des deux équipes. Ils vont piocher au hasard et le mot qui compte. Exactement. Plus... L'équipe Noisette va commencer à piocher un bout. Donc par exemple, imaginons c'est Antoine. Tu dois chanter la chanson tout seul. On doit. Personne tu ne dois pas être aidé soit ni par Brigitte ni par Dédi. Et après, ce sera à votre tour, l'équipe Picard. Vous avez compris ou pas? D'accord. Non, mais on a un nouveau. On doit même pas l'aider à trouver la chanson. Non, on a un nouveau, il s'appelle Dédi. Hein, j'ai entendu. Dédi, ouais. Alors je vous ai mis des générations confondues ou même des Disney, mais il n'y en a que deux ou trois. Dis-moi, il n'y a pas de l'anglais. Hein. Il y aura une petite difficulté, mais je vous la dirai au moment venu. Faut chanter en suédois. Et sinon, vous avez 10 secondes pour trouver la chanson. Une chanson. Ok. Et attention, toute. Et on a combien de temps pour la chanter? 10 secondes. Non, ah non, chantez, t'as 10 secondes, après tu. Ouais, pas trop long. Vraiment pas trop long. Non, parce que je vais faire durer, et moi. Sinon, toute tricherie sera sanctionnée, un point pour l'adversaire. Okay. Ah bah tant mieux, si on va les faire gagner, qu'est-ce que vous en pensez Daniel, par exemple, si Daniel, c'est toi qui dois chanter la chanson et que Nicolas ou Catherine t'aide, point pour l'équipe Noisette. Oui, bien sûr, mais comme j'ai dit qu'on voulait perdre et puis qu'on est en tête, quoi, je coupe non, mon micro. Faut gagner. Faut gagner, Daniel, c'est le principe. Je vais gagner. Voilà. Montre ta motivation, Daniel. Alors, on commence je par je suis motivé. Noisette, qui est un peu en déficit de points pour alors, le moment. Qui veut commencer? Teddy, Brigitte. Allez, Teddy, ou Antoine. On va faire dans l'ordre. Allez, Teddy, on t'aime. Je dois le regarder, après j'ai 10 secondes, c'est ça? Alors, vas-y, tu regardes. Et t'as 10 attends, secondes pour trouver la chanson. Attention. Allez, je regarde. Allez, concentre-toi. Décompte, c'est parti. Merde. Et c'est démons. Les démons de minuit. Il faut la chanter. Chanter, hein. Merde, j'ai plus le refrain en tête. Alors c'est terminé. Putain. Ils m'entraînent au bout de la nuit. Qui ça les démons de minuit. C'était facile. Mais oui. Oh là là, j'ai bloqué là. Quel boulet ce soir. Je vois ça. On va donner l'équipe, le chapeau à l'équipe adverse. Donc à l'équipe Pika. Et c'est Daniel. Tiens, je te donne des mots comme ça. Tu as bonne chance pour trouver autre chose. Salsa du démon. Et voilà. Ça mériterait presque impossible. T'as vu ce qui est rigolo, c'est tant que j'ai pas ouvert, le décompte commence pas, donc c'est l'émission vrai. Est pas finie. C'est vrai. Mais à un moment donné, pour l'équipe de danse. Allez, attention, c'est parti. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier, débloqué, pas trop timide, et une bonne dose de savoir-faire. Savoir-faire. On est d'accord que c'était partenaire le mot? Exact. Ok. C'est bien. Même si ça avait été particulier, non, ça marchait. C'était particulier. C'est faux. Antoine, c'est pas grave, pour le deuxième ça. Mot. Antoine, tu pioches. Attention, tu es prêt à ouvrir. Oui, Amel. Tu, Henri, Théo, bien sûr, ah, tu as noté le point pour. Ah, j'ai pas noté les points, mais effectivement. Non, mais t'as raison. Pour l'instant, ils ont un point pour l'équipe Pika. Ouais, chacun, ouais. Pika. Ils vous notent même pas vos points. Attention. Oh, bah, c'est pas grave. Hein. Antoine, c'est parti. Tu as 10 secondes. Moi Lolita, L-O-I-T-A. C'est pas ma faute. Mais quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Ok. C'était Lolita. Bravo. Très bien, ça fait un point. J'ai beaucoup aimé le refrain. Nico, deuxième mot. Allez Nico. Allez Nico, c'est à toi. Oh, moi je suis mauvais à ça moi. Oui bah moi aussi j'ai réussi. Moi aussi. Mais on s'en fout, on a de l'avance. Oh, ouais. Pas beaucoup quand même. Mais Allez Nico, tu te sens chaud? Attention, il ouvre le papier et le décompte est commencé. Sauf qu'il a ouvert du mauvais côté d'abord. Ouais, c'est comme moi. Alors c'est quoi le mot? Le lac du Connemara. Ah non mais alors, il a bugué. Non mais faut que j'entende. Alors effectivement je t'avais le titre mais il a chanté sur l'air à un moment donné. Il a fait l'air, il a fait nanana. Il a fait ça. Il a sorti les lacs de Connemara, c'est moi qui ai fait. Non. Et après une fois qu'il avait fini. Attends, il y a un moment donné il fait les lacs du Connemara et il a fait ça. T'as fait ça? Ouais. J'ai pas entendu. Il a juste dit ça, mais il a dit le titre. Bah, il a donné le titre. Pour moi, il a donné le titre. Il a fait un. Non, il a fait. D'accord, ok, on te le compte, Nico, mais attention, ça ne passera pas deux fois. Bah, en même temps, oui, non, mais c'était bon, t'as fait les lacs. Eh, t'as fait Nico, t'as rien. Dans ces cas, la première fois, j'ai dit. On lui a dit de chanter, mais on lui a pas dit de chanter 3 minutes. Allô, Lolita, ça marche. Oui, voilà. Bah, les lacs du Connemara, c'est pareil. D'accord. Non. J'ai pas peur ton équipe. On peut dire qu'il y a une belle solidarité au niveau de l'équipe Pika. Il y a une solidarité. Et le pire, c'est que j'ai dit que je voulais perdre. C'est à Brigitte. Je sais pas préciser, mais également des chansons en anglais. Ah oui. Que j'ai précisé sur la petite feuille. Allez, c'est parti. Décompte. C'est quoi le nom? Immortal. Ah ouais. Immortel. Ça marche, c'est d'accord. Terminé. Tu penses à Evanescence? Ouais. Ah bah oui. Mais elle est un peu space à chanter, elle est dure quand t'as pas les paroles. Ouais, j'avoue mais que oui, pour non, c'est pas ça. Eh ben disons que c'était un mot où fallait pas tomber dessus. Mais fallait pas tomber sur celui-là, c'est dommage. Et moi j'aimerais bien qu'Anaïs elle la chante juste 10 secondes, tu vois, Théo, pour savoir à peu près si elle aurait réussi même elle. Parce que t'aurais non, moi je l'aurais pas réussi. Ah bon, alors je l'aurais pas réussi, j'ai même pas les paroles. Vous avez droit à un joker, hein, c'était trop dur, il arrive même pas. Eh mais il y en a plein d'être dur là-dedans. Plus, pas tomber dessus. Je vois celle que c'est, tu vois, c'est au piano, tout calme, etc. Sauf la fin où ça part. Ouais, c'est ça. Mais par contre, là, dans la tête, j'ai Innocence d'Avril Lavigne, mais j'ai pas Immortal d'Evanescence, tu vois. C'est bête. Bah oui. Mais personne l'avait, t'as l'impression. De toute façon, j'ai pas non plus. Eh, il y a des faciles et des durs. Ouais. Malheureusement, t'es tombé sur une compliquée. Ah, bah, c'est comme ça, c'est la vie, ma pauvre Lucette. Alors, on passe le chapeau à Catherine. Hop. Ah, elle est pas confiante. Elle a fait une tête, vous verriez ça. Nico, tu lui passes le micro. Ah. Alors, attention. Attention, elle a ouvert le papier. 3, 2, c'est, 1, parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le mot? Alors là, ça commence mal. Les 5 secondes, il reste. C'est terminé. C'était quoi? C'était semaine. Ouais. Tu penses à quoi? Et trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. C'est vrai. J'y avais pas pensé non plus. Bah oui. Personne n'y avait. Semaine, c'est pas un mot. Quoi. Non, mais de toute façon, en semaine déjà. Amélie l'avait. Préfère le week-end quoi. Peut-on avoir le petit chapeau? Oui, bien sûr. On refait un tour chacun. Quatrième mot, il reste encore 2 tours. Ah d'accord, 2 tours. Ça veut dire qu'il y en a un qui va jouer qu'une fois quoi. Et là, je vous propose en gros la difficulté. Ah. S'ils sont plus durs maintenant. C'était pas ah non, la difficulté. Non, notre petite difficulté. Ah bah vas-y, explique-nous. Alors je vais vous demander de mettre des chamallows dans votre bouche. D'accord. Et de chanter avec ça. Voilà. On peut chanter n'importe quoi du coup. Ah bah non, faut que ça soit l'air. Hein. Oui, mais oui, faut que ce mais soit par rapport aux mots demandés. T'entendras pas les mots, ça sera bon. Ouais, mais si c'est l'air, c'est bon. C'est pas grave. Du coup, c'est le dernier tour pour chaque personne. Donc chaque personne passe encore une fois. Ça serait peut-être plus logique. Hein. Bah, c'est comme ça vous voulez. On avait dit 5 chansons chacun. Bah oui, mais on savait pas combien on allait. Moi, je suis allergique aux chamallows. Non, bien sûr. Moi je déteste les chamallows. Si on est à l'hôpital à côté, tu fais pas chier. Si vous voulez, je vous propose qui veut. Moi, attends, moi. T'as cru. Hein. Merde. C'est combien de chamallows? Bah, autant que tu peux. Non, mais les mange pas maintenant, t'es dit. Mais les mange pas, faut chanter avec. Bah, c'est pas grave, bouche. C'est pas grave, il va prendre le chapeau. Tu peux encore en mettre une là? Oui. Non, c'est déjà pas mal. Alors Teddy, tu pioches dans le chapeau. Eh, mais prémâche pas. Fais pas de la place dans ta bouche. Je les mets chacun à côté. Hey, je suis équipe noisette. Donc je mets mes noisettes dans mes réserves. En bonne écureuil. Ça marche bien. Vas-y, dans ok. T'as tout compris. Allez, c'est parti. Il a ouvert. Aïe, aïe, aïe. Alors Bring me to life. Life. Bring me to life. C'était quoi? Si, je vois ce que c'est. Mais c'est quoi? Bring me to life d'Evanescence, du coup. Encore? Bah vu qu'il y a life. Et vous piochez que des titres d'Evanescence, c'est fou ça. Bah, ah, moi, mais après, j'avais pas. Non, c'était pas forcément Evanescence celle-ci, mais. Bah, y'avait quoi? Bring me to life. Best life. Ah, c'est celle-là que j'avais choisi en plus. Bah oui, je crois qu'il y a que ça. En bank, et j'irai. Alors. Si j'ai pas très français, on est d'accord. Non, mais c'était très bien chanté, oui. Très juste. Les paroles, géniales. Qui est-ce qui veut manger des chamallows dans l'autre équipe? Eh bien, à Daniel. Mais de toute façon, tout le monde passe. Le pire, c'est que Daniel, il a une grande bouche, il peut en mettre 5. J'en ai pris 5. Non, ouais, bah je vais arrêter à droit, moi. J'en ai mis 3. Allez, file un papier. On les pré-mâche. C'est bon, chamayo. Et mange-les pas avant, hein. Pour l'instant, on est à 2. Mais attends, ils stockent. C'est bien, on les nourrit en même parti. Temps. Je vais faire un truc de vieux. Elle court, elle court. La maladie d'amour. Ah, moi, je dis, il y avait de la place. Dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans. C'était un presque parfait. Elle chante. Ça va, allez, ça va. Non, pardon, il chante. Antoine, 2 petits chamallows dans ton gosier. 2 Même 3 ou 4 4, ouais. Il y en a 10 qui passent. Il y a de la bouche. En fait, à faire à mesure, ça fait 2, 3, 4. Et le dernier qui va passer va en avoir 6 dans le gosier. Ah, moi, j'en ai mis 4, 3. J'en ai pris 4, je garantis. Daniel en a mis 3, on du a pris coup. 4. Là, il en prend 4, du coup, Nico doit en prendre 4, passe, forcément. Hein. T'as une grande bouche. Ah ouais, par contre, ah, là, pas sûr d'entendre quelque chose, mais. Ces trucs comme ça, ça me ferait c'est vrai, moi aussi. Ah ouais. Chamallow, c'est pas mon délire. Je crois qu'il est pas loin, il est tout rouge là. Allez, avant de vomir, chante Antoine. Brigitte a peur. Allez, ouvre le papier. Stop dans tes bouches. C'est parti, hein. C'est parti. Attention. Mais oui! C'est évident, je sais rien de ce qu'il chante. Gérard de Palmas! Avec qu'ils ont compris le mot rêve. Ah oui, j'en rêve encore de Palmas. Et oui, bien sûr. Ouais. Je peux faire une précision pour les auditeurs. Hein. Ouais. Ne réglez pas votre barre de son. Non, hein, c'est normal. Normal, tout est normal. Si on a la voix claire, ça va. Faut que t'en mettes 4 pour égaliser avec Antoine. Pourquoi moi? Je vais pas signer. Non, mais Nico, je lui fais confiance. J'ai pas le droit d'avoir 2 points. Et... Passe en tombeau. Ah oui, passe en tombeau, ça serait dommage. Allez, un petit mot doux, toi aussi, allez. Ah. Encore un petit mot doux. On rappelle qu'il y a un chapeau avec des mots à l'intérieur, il faut chanter le titre de la chanson. Ou le mot qui est dans la chanson. Ou le quoi? Le mot qui est dans la chanson. Le mot qui est dans la chanson, ouais. Pas forcément le titre. Alors, ouais, parce que le titre, je l'avais sinon. Démon de minuit, hein. Rien à foutre. Ouais. Marche pas. Ouais. Allez, attention Nico, tu ouvres le mot. Il est beau comme ça. Ouais, j'ai bien compris. Ah, c'est ouais, on a tout compris. Attention. Allez, c'est parti. C'est parti. Et on entame le chrono. Ah, on dirait qu'il a du mal. Tout ça pour ça. Nico, pense à la lumière. Ah ouais. Je sais pas. C'était quoi? C'était quoi le mot? C'était quoi le mot? One. One. One. Ah. Ah, tu pensais one. À genre U2, One, non? No one, no. Ah, aussi Alicia Keys. Ah no ouais. Yeah. Ça marche aussi. No woman, no cry. One, c'est un mot en anglais. Il y a une très vieille chanson. Je vais encore faire un truc de vieux. Rock around the clock, 1, 2, 3, 4, 5. Ah one. Oui, je vois. Ouais. Ah, il y a le One. Bill Haley. Ouais. Il y en avait plusieurs, ouais, des trucs. Ça vient aussi. Bah, pas gagné, hein. 1, 2, 3, 4. Brigitte, avant de mettre 5 aussi. Non, non. Je pense que 3, ce sera bien. Ouais, 3, c'est très bien. Non, je fais 4, hein. Oui, mais faut quand même. Toujours toi, plus. Homme-femme. Faut adapter au gosier. Voilà, l'égalité, ça. Hein. Égalité. Oui, oui, c'est vrai d'abord, hein. Non, la parité. Enfin, je vais rien dire, j'avais pris 3. Chapeau. Il y a égalité. Je tiens à dire que j'ai fait un effort parce que je déteste les chamallows, le goût. Je te comprends. Bah, à petite dose en fait. Allez, attention, même Brigitte, pas, elle ouvre le mot. La bouche, là. Et on écoute Brigitte. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Si vous êtes fidèle de l'émission, vous l'avez déjà entendu en live de par notre propre personne. Tu sais que dans les stats, c'est une autre version maintenant. Ah, hein. Brigitte, t'aimes pas trop les chamallows. Ils chantent Alléluia, Alléluia. Tiens. Allez. Attends. Louia est en train de monter l'arbre là. Dans... Brigitte a été jeté ses chamallows, mais je voulais dire pas de cachet, même la Catherine. Catherine, les chamallows. Allez, 5! Ah bah si! 5! Non mais 3 ça ira! Non mais 3, même 2! 6! C'est tellement pas bon. Ils sont exigeants ce soir, nos candidats. Tiens, surtout quand c'est les autres. Chapeau pour Catherine. Mais t'en as pris qu'un seul. Allez, elle a une petite bouche. T'es pas obligé de manger non plus. Dur. On te laisse piocher le bras. Alors en plus, elle a un pied de micro. Attention. Il y a Nico qui est en train de faire le pied de micro là. Et cette type part. Attention, il reste plus que ça. Ça réfléchit. Attends, laisse pas lire. Merde, c'est mal écrit. C'est terminé, malheureusement, c'est terminé. C'était quoi le mot ? Contrôle. Ah, contrôle. Ouais, contrôle. C'était une chanson en anglais. Contrôle particulier, c'est un contrôle particulier. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est. Non, j'ai précisé en anglais à côté. Control. Ouais, ouais. Parce que je la voulais en anglais. Ouais. Ah, control. Et c'est contrôle de Zoé West. Oui. Zoé Staffel. You take myself, you take myself, control. Oui, bah oui, ça marche aussi. Je suis en train de chercher. I don't wanna lose. Je suis en train de chercher self control. Ah oui, ouais, je vois. Je connais, ouais. Mais c'est jeune ça. Toi, t'as vos CA sur français. Elle est pas très vieille, hein. C'est, je viens de dire, c'est jeune. Ah. Mais self-control, ça marche aussi. Mais c'est ma self-control. Je sais plus qui c'est là, j'ai un peu. Est-ce que ça aurait passé ou pas ? Non, merci. C'est quoi la chanson ? Je perds le contrôle. Mais non, en anglais, je t'ai dit. Je t'ai dit en français ce que je serais passé. On a dit non. Ouais, mais je veux dire français-anglais, c'est control-control en fait. Donc, bon, non, il y avait non, pas de c'est pas grave. C'est de l'anglais, Antoine en fait. Hein. Est-ce que je peux donner les scores ? Oui, ça nous intéresse. On a remonté, je crois. Théo, je crois que les scores commencent à bouger un peu plus. Et ben, oui et non, parce que. En fait, non, pas du tout. Ah non ? En fait, nous avons 4 pour l'équipe Noisette et 3 pour l'équipe Picasso. Égalité, une parfaite égalité. C'est ça le talent, pardon. 13-13. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Tout peut changer. Tout ça parce qu'ils ont mis plus de chamallows dans la bouche. Non, tout ça parce qu'ils sont plus doués. Voilà, c'est ça, c'est tout. On écoute quoi ? Une musique, alors franchement, celle-ci, on l'avait fait en plein confinement, il me semble. Oui, c'est vrai. On l'avait fait en plein confinement. Et franchement, on avait bien rigolé. Et je trouve que ça nous représente bien, Actu Solite, mais vous êtes fous. Attends, t'es sûr qu'on est à cet endroit-là ? Ah bah non, pas du tout. Non, je voulais l'écouter, moi. C'est dommage, on l'écoutera tout à l'heure. Non, mais pourquoi ça a descendu ? C'est toi qui m'as bougé ma souris ? Non, pas du tout. C'est con, c'est genre qu'on va écouter, ça n'a rien à voir. Pour le coup, on écoute de la vraie musique. Eh bah, c'est pas nous. Je vous ai spoilé pour tout à l'heure. C'est un remix. Remixé par Jorm. Et c'est sur Indestar, évidemment. Jusqu'à 23h, c'est l'émission spéciale sur Indestar. Bienvenue à la maison. Jusqu'à 23h à peu près. Hein. Ouais, franchement, ouais. On compte même 23h30 minuit. Hein. On va dépasser un petit peu les bornes. Légèrement. La borne des limites. On a Daniel avec nous ce soir, donc forcément. Ouais, ça y est, bah, je savais, il fallait un coupable. Hein. Bah, en plus, il y a Teddy. Alors là, vous êtes on mal. On a les ouais, deux en plus. C'est vrai. Forcément. En fait, déjà, de un, on t'a fait venir parce qu'on n'avait personne d'autre. Et oui, de bah, ça, deux, j'ai il compris. Fallait, hein. Il fallait un pion pour porter, tu vois, le chapeau. Tu es un pion, en fait. Il s'est fait écouiller. Théo, là, on va passer au troisième jeu. Mais avant, est-ce qu'on peut récapitulatiliser les. Oh là là, bien sûr, récapitulusons. Alors déjà vous êtes dans la spéciale de questions pour un concon ce soir, c'est-à-dire qu'on élu Nelly le concon de l'année et on a deux équipes, on a l'équipe Pika et on a l'équipe Noisette. Ouais. Pour le moment, donc à chaque fois qu'il y a des jeux, il y a des points et à chaque fois il y a un vainqueur hein, et on additionne les points. Donc pour le moment on est à 13 points pour chaque équipe, d'accord ? Ouais. Parfaite égalité au bout de deux jeux, mais la soirée est loin d'être terminée. Donc il va falloir tout donner jusqu'à minimum 23 heures. Ouais, bah ça c'est toi qui le dis qu'on va donner. Hein. Ah bah faut donner. Et justement, on va passer au troisième jeu et c'est Henri qui nous le présente cette fois-ci. Ah c'est cool. Ah bah tout à fait, mademoiselle Amélie. Ce soir, c'est mon moment, c'est mon soir. Et je bah je vous laisse. Alors je vous explique un petit peu le concept de ce jeu. J'ai des extraits de films à vous passer. Je crois me souvenir de ce qui s'est passé avant, mais à vrai dire, j'en suis plus très sûr. Donc, vous allez noter sur l'ardoise que vous avez devant vous si ce que je vais vous dire, donc qui sera l'extrait d'avant de ce que je vais vous passer, est-ce que c'est le bon extrait ou est-ce que c'est sorti tout droit de mon imagination ? D'accord ? Donc, je vous passe l'extrait qui est la fin de la réplique et je vous demande quel est le début de cette réplique. Est-ce que c'est celle que je donnerai ou est-ce que c'en est une autre ? Donc vous écrirez vrai ou faux sur l'ardoise. Va, vrai, faux ? On va avoir une fin de réplique et tu vas donner le début de la réplique, c'est exactement. Ça, exactement. Est-ce que ce début de réplique sera vrai ou sera issu de mon imagination ? Oui. Très bien, vous avez compris. Bon, alors. Je crois, pour l'instant, ça a l'air de le faire. On y va pour le premier extrait. Écoutez bien, par contre, juste une petite chose. Il faudrait que Catherine puisse C'est de la rapidité ou pas ? Alors, de la rapidité, je ne sais pas. Non, c'est vous avez noté sur votre ardoise. Hein. Par contre, il faut que tout le monde entende bien l'extrait. Ah oui, c'est vrai ou faux, en fait, ouais. Oui. C'est bah, au pire, c'est... Nico, ah ouais, c'est la plante verte, c'est pas très grave s'il a pas de... Bah, fait pareil. Voilà, on écrit vrai ou faux, et puis voilà. Vous êtes prêts? Ouais. Attention, premier extrait. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Et ma femme, il a oublié ma femme. Alors, est-ce que pour vous, avant cette réplique... Ça fait ça. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Et pour pas cher, à mon avis. Hein. Il a marché. Il a marché à fond, le gars. Est-ce que c'est la bonne réplique? Ou est-ce que c'est la fausse mauvaise réplique? Vous le notez sur l'ardoise. On a le droit de savoir le film ou... Oui. Je vous le donnerai après. On veut bien donner ça, par contre. Eh bien, vous avez marqué vrai, tous les deux. Et pour vous, c'était quoi, le film? Bon, c'était le... Le dîner de cons, évidemment. Tu ne connais pas ce film-là? Bah non. Oh là là. Je mangeais avec des gens cultivés. Ah non, mais là. Qui disent des chevals, donc ça marche pas. Là, tu manques à Henri, est-ce que je pourrais avoir un stylo qui fonctionne, s'il te plaît? Bien sûr, mademoiselle Amélie, c'est vous la reine, c'est vous qui. Qui pétait. Qui pétait le stylo. On écoute la réplique avec le vrai acteur. Demain, monsieur Leblanc! Et voilà, on a les droits. Pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Voilà. Il fait le con pendant 10 minutes et il oublie ma femme. J'adore le quoi? C'est ça. Non, mais, bon, alors ça vous fait un point chacun pour le moment. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième extrait? Oui. On y va. Il fait noir et nous portons des lunettes noires. Marina. Il fait noir et nous portons des lunettes noires. Ok. Est-ce que pour vous, la réplique d'avant est... Moi et le ciel, on a un arrangement. On est en mission pour le Seigneur. Je vous ai mis le fric au fond du tunnel. Est-ce vrai? Vrai ou faux? Vous le marquez sur l'ardoise. Tac, tac, tang, tac, tac, tang. J'aime bien. Henri, est-ce que vous entendez vous aussi le... Ah bah, ils ont le droit de... Moi, j'ai entendu Brigitte. Est-ce que vous entendez le... On a du vrai et on a du faux. Ah, ah, intéressant. Enfin. Alors, est-ce que vous savez déjà de quel film c'est extrait? Les Blues Brothers, exactement. Ah, j'ai pas reconnu. Ah, tu n'as pas reconnu? Daniel non plus. Toi qui adore les Blues Brothers. Oh, vous avez mis au hasard. Alors, oh, c'est bon ça. Je crois qu'elle a pas mis au hasard. Ça y disait quelque chose. Était-ce vrai ou était-ce faux? Catherine, ça y disait quelque chose. Vérifie la réponse. Il fait noir et nous portons des lunettes noires. Non, ça c'était la question. Ça. Voici la réponse. Il est à 160 km d'ici à Chicago. Putain. Nous avons un réservoir plein d'essence, un demi paquet de cigarettes. Il fait noir et nous portons des lunettes noires. C'était bien faux. Ah bon. Un point pour l'équipe Pika. Merci Catherine. Merci. Non Nico. Ah bah l'autre était cohérente, mais ça n'était pas la bonne réplique. Ouais. On avait trouvé le film. C'était une réplique de mon imagination. Ouais. Attention, troisième réplique maintenant. Bientôt 32. C'est tout. Bientôt 32. Bah, ça s'appelle une réplique. Alors, est-ce que la réplique d'avant est je m'appelle Bernie Noël, j'ai 29 ans. Bientôt 32. Voilà, ça serait la suite. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je vous laisse le noter sur l'ardoise. Et là, alors, je pense que là tu as posé une colle à tout le monde. Oui, c'est assez courant, j'avoue. Ouais. C'est vrai. Là, nous avons vrai d'un côté et vrai de l'autre. On vérifie. Est-ce que vous avez reconnu le film? Pas du tout. Film non. Alors, le film, c'était Bernie. Et on écoute. Ah, bah, Bernie, toi. Si. Film. Je connais Corneille et Bernie, ouais, mais ouais, pas. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, Corneille et Bernie, mais pas Bernie. Bernie, c'est un film mythique. On écoute la réponse. Je m'appelle Bernie Noël. J'ai 29 ans, bientôt 32. Voilà, c'était tout à fait cohérent, bien entendu. Les deux équipes, du coup, oui. Ont eu la bonne réponse, tout à fait. Attention, quatrième extrait, on écoute. Casse-toi, sale gominé. Sale dominé? Gominé, je crois. Hein? Casse-toi, sale gominé. Voilà. Quelle est la réplique d'avant? Est-ce que c'est... Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Ah, je m'attendais à une autre proposition, je sais pas pourquoi. Non, mais il y a du alors, faux. Ça sert à rien de. Oui, voilà, parce que toute la mer, il va être de l'autre côté. Mais tout ça, il va le et ils ont mis du vrai. Non. Ah non, du faux. Ah, du faux. Ils sont coude à coude ce soir. Hein. Je suis sûr qu'ils ont copié. Non, mais moi, j'ai compris comment tricher à ce jeu. Ils ont le droit de copier, non. On écoute la réponse. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. Donc c'était vrai? Et là, je suis. Merde. Je suis déçu d'Antoine, puisque c'était dans le film Scarface. Hein, donc, oui. C'est pour ça qu'il me dit. Un film que tu connais normalement par cœur. Bon, regarde-le. On était à 2-1, mais 2 se sont trompés, nous. Malheureusement, ils Nico, pas copié Nico sur avait la bonne réponse, on ne l'a pas écouté. Bah voilà, bravo. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un gominet. Parce qu'un gros gominet, je connais. C'est la gominet. C'est le gel dans les cheveux, ouais. Oui. C'est le gel gominet. T'as cru boire un gominet. On écoute l'extrait suivant, si vous le voulez bien. Il dit qu'il voit pas le rapport. Qu'il voit pas le rapport. On recommence. Oui. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ok. Ça me dit quelque chose. Est-ce que le début de la phrase était. C'était le commissaire au téléphone. Il demande où on en est pour l'affaire Pamela. Fais-le patienter. Je lui dis quoi? Bah dis-lui que le rapport est sur mon bureau. Il dit qu'il voit pas le rapport. Est-ce la bonne réponse ou est-ce la fausse réponse? Vous avez quelques secondes. Attention, et ça se regroupe entre l'équipe, ça parle bien, c'est bien. Non, fais ton idée. Alors, faux ou vrai? On a du faux dans les deux équipes. Effectivement, c'était faux, c'était la cité de la peur, on écoute. Martoni veut un hélico dans les 10 minutes, sinon il la bute. Il dit que vous bluffez. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Voilà. Toujours aussi bon, la cité de la peur. Hein. Ouais. Même 30 ans plus tard. J'avais trouvé le film. Bah oui. Ouais. Mais j'étais pas sûr de Pamela, en fait. Je me disais, putain, c'est quoi? Ça paraît cohérent, mais ça l'est pas. Parce Pamela, j'ai pensé à qui a tué Pamela Rose, qui est un... C'est à voir, ça. C'est à voir aussi. D'ailleurs, il y a c'est la les suite. Mêmes années et c'est, ouais. C'est aussi deux comiques. Donc, Cad et Olivier. Et il y a même une suite qui a retué Pamela Rose. Oui, que j'ai vu au cinéma, mais tout le monde s'en fiche. Pamela Rose, avant, c'était Pamela Fameur, un truc comme ça. Ah oui, oui. Palmer. Ouais. Ah, Palmer, oui. Palmer, oui. Pamela Palmer, yeah, exactement. Ça fait pas de points supplémentaires, désolé Catherine, mais c'était bien. On écoute l'avant-dernier extrait. Enfin, chantez, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort. Chantez, mais vous pouvez quand même pas chanter trop fort. Est-ce que la réplique est... C'est bientôt fini de faire tout ce rafu ici. Mais on chantait, papa. Enfin, chantez, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort. Est-ce... Vrai ou faux? Attention, vous avez quelques secondes. Suis ton instinct. Alors, on a du vrai pour l'équipe. Et bah, pour changer, du vrai de l'équipe PK aussi. Hein. Et du vrai pour l'équipe PK. Cette fois-ci, on a écouté Nico, vu que tout à l'heure on ne l'a pas fait. Et bah, fallait pas. On écoute la réponse qui était dans Taxi. J'ai récupéré un V6, après je l'ai vitaminé un peu, quoi, histoire de faire la voix, parce qu'un V6, ça ne demande qu'à chanter. Enfin, chanter, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort. Hein. Voilà, c'était une affaire de voiture, de V6, ah, donc rien à voir avec le chant, ouais, finalement. Nous y allons. Ah, bah, mademoiselle Amélie, attention parce que vous faites défiler, j'ai l'impression, avec le clavier, le conducteur. Ouais, et dans deux minutes, elle va annoncer la fin de l'émission. Exactement. Arrête, j'en suis capable. Je sais. Nous écoutons le dernier extrait. Attention, c'est parti. Des millions. Est-ce que la réplique est... Vous n'êtes tout de même pas de dire qu'on a fait tout ce chemin pour regarder une façade ravagée par la pauvreté, Armina. Son propriétaire n'est pas ostentatoire, mais il possède des millions. Des millions. Hein. Armina, ça doit être dans un OSS, je pense. T'as déjà vu le OSS? Non, je connais pas. Oh là, aucune culture cinématographique. Je sais lequel c'est. Ouais. Mais je sais le titre, mais... Alors, on c'est a... OSS 117, le carnet d'espion. Mais oui, c'est sûr. Tout à fait. Je suis pas certain, je sais pas, il y a tellement de conneries. Est-ce qu'elle s'appelle Germina? Il s'agissait Hermina, bien Hermina. De OSS 117. Mais c'est faux. C'était bien Hermina, mais... Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Ah, d'accord. Et son écriture est un art. Hein. Des millions. Quel bâtard. C'est Jean Dujardin, ouais. En même temps. Qui a eu bon, du coup? Qui a eu bon? Eh bien, personne. Sur cette réponse, malheureusement, mademoiselle Amélie. On en est à combien? L'équipe Noisette est à 16 points et l'équipe Picard reprend la main avec 17 points. 17 points, points supplémentaires donc pour l'équipe Picard, bravo à vous. C'était pour nous féliciter l'éternuement. Légère avance. Merci. Ça sort de l'originalité. Elle est contente de sa blague en plus. On peut avoir un petit un petit son, tu sais. Oh bah non, non, si on écoutait si on écoutait de la musique. Pour lancer non. D'accord. Je crois que je t'ai griffé. Non, bah non, c'est notre chanson à nous là, je crois. Oui. Ah oui, bah je sais pas si c'est la meilleure qu'on a fait, mais on va écouter Actu Solide, Chemin Partagé. Alors si elle était bonne. Ah je bah... sais pas, je me rappelle plus. Donc, merci. Et juste après, on passe à la deuxième manche de questions pour un concon sur Indestar. Broum, broum. Décidé d'aider une maman en détresse. Elle tombe enceinte de triplé. C'est-à-dire qu'elle en a trois. Voilà. Et sa mère nous a dit qu'elle voudrait en garder qu'un seul. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je pensais qu'on en faisait trois. Actu Solite, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. Quel humour, quel humour. Je sais. Je... en faire trois pour avoir le choix, c'est quand même formidable. Hein. Bah oui. C'est ça. Ouais. C'est comme le choix du roi. Il t'en reste combien après Sur les trois que t'as fait, Daniel, t'en as conservé combien? 3 mais pas ensemble. Ah, 3 mais pas ensemble, c'est garde alternée quoi. Voilà. Ok. On est en question pour un concours spécial ce soir, Amel. C'est ça. Pour élire. Non. Ouais. Si, élire. Élisons qui? Bah le meilleur concon de l'année. Le meilleur concon de l'année. Le concon de l'année, ouais. Et on a deux équipes qui s'affrontent ce soir. Donc l'équipe Pika et l'équipe Noisette. Yes, pour l'instant on est combien au niveau des scores? C'est serré hein. Équipe Noisette 16 points et l'équipe Pika 17 points. À légère avance pour l'équipe Pika. Mais tout peut jouer hein. Tout peut se jouer tout sur peut se jouer dans la dernière heure qui commence maintenant avec la deuxième manche habituelle, on va dire, de questions pour un concon, mais en mode rallongé, quoi. Bah oui, forcément. Peut-être ouais. Rappeler Henri, d'ailleurs. Oui, tout à fait, parce que j'étais là, évidemment. C'est ça, Henri, j'ai besoin de vous à mes côtés. Bah, bien sûr, mademoiselle Amélie, je serai toujours à vos côtés. Je compte sur vous, quand même. Je reviendrai plus tard, moi. Hein. Vous pouvez compter sur moi, allez-y. De quoi? Sur mon bras, vous pouvez compter, si vous voulez. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Okay. Alors, pour cette blague, deuxième manche... Blague de matin, hein. Oui, c'est de merde, surtout. J'ai même plus osé répondre. Pour cette deuxième manche, on reste sur une série de 10 questions, mais cette fois-ci sans proposition de réponse. Après la fin de ma question, mais vous attendez bien la fin de ma question, la personne qui a la bonne réponse devra buzzer pour me donner la bonne réponse. Donc on va faire simple, hein, Henri, ce soir pour les buzzers. Hein. Pika, pika. Voilà. Et Net. Oui, c'est pas mal, ça. Voilà. Et on attend bien la fin de ma question. Oui, et vous faites attention à bien sortir le buzzer avant de donner la réponse, parce que sinon, le point ira à l'autre équipe. C'est ça. Ça serait dommage. Vous êtes prêt, Henri, pour les points? Je suis prêt, mademoiselle Amélie, je suis ready. Question numéro 1. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? Benenut. Il m'a fait peur, hein. La réponse est... Le Brésil. Non perdu. Pika. Allemagne. C'est ça, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, bravo. Pourquoi le Brésil? Parce que c'était au Brésil. Non, mais Antoine, tu as un micro aussi juste devant toi. Oui, t'as le droit de répondre à ma place. Si il a buzzé, j'ai le droit de répondre ou pas? Bah bien sûr, oui, vous êtes dans la même équipe. Oui, vous êtes ensemble. Il faut prévenir, parce que bah vous avez une équipe quoi. C'est je savais pas moi. Vous prenez la main. C'est vrai aussi que c'était chacun qui devait. Ah non, mais bien sûr que non. Vous êtes par équipe, vous jouez ensemble. Je pensais qu'Antoine savait en fait. D'accord. Là bah c'est dommage. J'espérais que tu me le soufflerais en fait. Je pense que Teddy voulait dire la France jusqu'au moment où oui, il s'est dit ah, 2014, 2014 France, c'est pas la bonne année. C'est pour ça que je dis bien d'attendre la fin de ma question. J'ai attendu la fin. Après. Attention, question numéro 2. Après. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Benelux. Espagne. Brigitte est très rapide. Hein. Elle laisse les garçons buzzer et puis elle répond sa réponse. C'est pas grave, ça marche. Attention, question numéro 3. À quel écrivain attribue-t-on la rédaction de l'Iliade et l'Odyssée? Pénélope. Homer. Pika qui a d'abord répondu. On attend Homer. D'avoir c'est le temps ça, c'est Homer. La bonne. Et pas Homer Simpson. On attend. Non mais là faut pas tricher non plus, Teddy. Il dit Pika systématiquement, ça va pas. Je dis Benenut. Alors lui il dit Benenut. Pardon, il pose systématiquement. Alors je vais pas te mentir, j'avais pas la réponse, mais je pensais que Brigitte l'avait. Et tu l'avais. Voilà. Tu vois, je connais mes collègues. Là il faut, c'est il faut répondre avant de donner le, enfin il faut donner le buzzer et répondre. Dans la je foulée. N'ai rien dit parce que je l'avais pas. Ouais, mais là c'est un peu de la triche. Oui, quand oui même, c'est de la triche. C'est pour ça non, que parce que façon, je compte sur eux. Par contre, sinon je suis obligé oui, de dire une connerie. Non, mais c'est pas normal. C'est tu... voilà. L'équipe Pika qui a le poids. Oui. Ah mais je suis pas contre. Question numéro 4. Quelle capitale actuelle a été physiquement coupée en deux de 1961 à 1980? Berlin. Je crois que Brigitte a donné la bonne c'était réponse. C'était Berlin, hein. Effectivement, un point pour l'équipe noisette. Ouais. C'est facile celui-là. Ouais. J'ai l'impression on d'avoir se des sauvages. On s'en a 2-2 pour le moment. Oui, on est un peu. On y croit, on non, y croit. Ça va, ils sont devant, moi, ils sont à côté. En équipe. Question numéro 5. Combien de jours d'anniversaire a une personne qui a vécu 50 ans? Benenut. C'est en même temps, hein, là, si je puis me permettre. Alors, comment on fait? Un pierre-feuille-ciseau, là, pour savoir qui va répondre. Hein pierre feuille ciseaux. Oui, mais c'était non, avant. Ça, c'est ça, c'était avant. Ça, c'est pas pour la banque numéro 2. Un pierre feuille ciseaux. Tu vois un pierre feuille ciseaux. Ouais, okay. Ah oui, là vous pouvez. Ouais, allez, vas-y, écrivez. Allez. Écrivez sur l'arbre. Ah bon, on écrit alors. Ok. C'était quoi la question? Ah, on va pas répondre. Vous notez simplement sur l'ardoise votre réponse. C'est une question un peu piège. Hein. C'est une question piège, apparemment. Non. Combien non de jours d'anniversaire? Ah, des jours. Ah oui. Je répète, hein, c'est au cas où. Redis ta question, Amel. Nous avons. Je redis ma question. Oui. Non, non, mais ça va. Ils ont noté l'équipe. Nous avons du 50 côté équipe Pika. Ah, 50. Pika. Ils sont un peu longs, hein, ce soir. Allez, c'est ouais, terminé. Ils trichent parce qu'ils se dépêchent de buzzer. Mais non, et puis... mais non. Daniel... C'est que lui, il a une idée et pas moi. J'ai pas la même. Donc, du coup, il écrit la sienne. Il écrit la sienne et voilà comme ça. Allez, allons-y rapidement, s'il vous plaît. On va pas y passer toute la nuit. Il écrit plus, mais il écrit 50 en fait. Il est 50. Mais, hein. Oui, 50, mais il, ouais. Ça écrit plus. Eh ben non. C'était 1. Parce qu'on a qu'un jour d'anniversaire dans la vie. Ah, oui, mais cumulé, t'as fêté 50 fois ton anniversaire. Oui, mais c'était une question piège et je l'ai répété. Oui, mais je suis pas d'accord. Ne soyons pas de mauvaise foi. Tu as eu 50 anniversaires, donc tu as eu 50 jours d'anniversaire. Oui, mais malheureusement, mademoiselle Amélie a décidé que ce serait que. Ouais, et ben c'est pas normal, on devait marquer un point chacun, mais ça change rien parce que tout le monde avait mis ça. Ah, bon, c'est ce qu'elle a dit. Je tiens à dire que la réponse n'était pas bonne. Non, mais j'avais mis 1. Enfin, était ambiguë. Non, mais il y avait 50, il y avait 50. Non, mais c'est pas tard, c'est micro, trop... t'entends pas. J'ai vraiment mis. Ça fait 4 ans qu'il a la radio, il comprend pas encore. Il a dit 50 à ma place. Bah oui, non, bah, moi j'ai dit 49, mais c'est pas pareil. Tant pis, vous avez dit 50, c'était une. Ouais, bah, on réponse a donné notre réponse. Hein, On a donné notre réponse, malheureusement. Attention, question numéro 6. Quel est le désert le plus chaud au monde? Benenut. Sahara. Non, Pika, c'est le désert de Gobi. Non, moi j'ai le Sahara. Vous avez le c'est Sahara. C'est pas vrai, c'est le désert de Gobi où il y a les points les plus chauds. Je suis pas d'accord. Alors, elle a dit le Sahara. Alors moi, attendez. Je m'en fous de sa réponse. On va demander à Catherine aussi est d'accord on va demander avec à Google. Coup, quel est le désert le plus chaud? Google réfléchit. C'est le jardin de ton cactus. La température 1 record battu de désert. Ah oui, mais c'est lequel du coup? On veut juste c'est pas un désert. C'est 78 degrés, mais c'est le désert de Gobi. En Iran. Ah, c'est en Iran, c'est même pas Gobi. Ça n'a rien à voir. Ah oui, il vient d'être battu, c'est vrai, cette année. Eh oui, donc malheureusement. C'est vrai, il vient d'être battu cette année, c'est vrai. Malheureusement, aucun autant point. Pour moi, autant pour moi, il vient d'être battu. Eh ben, vous êtes nul. Mais ça, on le savait. Le Sahara. C'est pas du tout le Sahara, ta réponse. Hein. Bah, moi, j'avais le Sahara. Bon, bah, non. C'était mauvais. Question numéro 7. Comment s'appelle un livre de magie comprenant des instructions pour réaliser des sorts magiques? Pika. C'est Pika d'abord. De toute façon, on est tellement près l'un de l'autre que. Non, c'est Pika. Allez-y. Un grimoire. Un grimoire? C'est ça, c'est la bonne réponse. Allez, Pika. Le problème, on est tellement près l'un de l'autre que. Moi, je peux pas dire, hein, en fait. Hein. Bah, si, on l'est. Non, mais je pense qu'il faudrait qu'on écrive sur l'ardoise quand on est si près l'un oui, de l'autre. Oui, mais la deuxième manche, c'est pas avec l'ardoise. Donc, c'est vrai, il faut balancer les micros. Question numéro 8. Quel pays est célèbre pour ses pyramides? Benedette! Égypte. Ouais. Égypte. L'Égypte. Ouais. C'est ça, c'est l'Égypte. Question numéro 9. Mais c'est nous qui avons le point. Catherine, elle était contente, mais. Ah bah oui, mais il fallait répondre d'abord Pika. Ouais, non, bah attends, elle a pas de micro. Hein. Ah bah oui, mais je sais que. Allez, on est handicapé, hein. Rapprochez-vous. Daniel, n'hésite pas à dire Pika si Catherine a la réponse. Oui, mais là j'ai bafouillé, là, alors. Il avait un marshmallow d'homme. Question numéro 9. Que mange le charognard? Pika. Merde oui. Des. Putain, j'ai un trou de mémoire. Oh, vraiment? De la charogne. C'est ça. Ouais. Des dépouilles, des cadavres, hein, mais. C'est ça. T'as senti un. Vraiment? Ouais. Charognard, charogne. Non, mais c'est ça, ça s'appelle de la charogne. Oui, je sais. Et attention, dernière question. Combien font 4x4 plus 4x4? Benenet. J'ai pas entendu. 32. Il a. C'était la bonne réponse? Non, mais il a buzzé avant, j'ai pas entendu la fin. Oui, mais par contre, il avait la bonne réponse, hein. Oui, mais moi, j'ai pas entendu, on a pas entendu. Il a. 4x4 plus 4x4. 16 et 16, ouais, 32. Bah, 16, 32. Enfin, oui, mais on n'a pas entendu. Moi, j'ai entendu. Eux, ils ont entendu. Ouais, mais il m'a cassé les oreilles avec son Pika, donc. Ouais. Non, stratégie. Et eh bien, ça fait une parfaite égalité. 4 et 4. Ah oui, c'est vrai, vu qu'ils ont perdu. Bah oui, tout à fait. Ah bah, et c'est tu sais sérieux. Il y a un truc qui m'a fait rire à Amélie. Tout à l'heure, on s'entraînait. C'était tout, une bonne stratégie. Et puis je la regarde et puis je fais mais on fait comment si c'est égalité? Elle me fait mais ça sera jamais égalité. C'est vrai on que fait pour que ça. Moment, pour l'instant, ils vont gagner tout à l'heure un point de plus que nous. On va revenir. Pour le moment, c'est serré, on est d'accord. Et bah, ça laisse du suspense jusqu'à la fin. Exactement, comme ça, restez jusqu'à la fin de cette émission. Et d'ailleurs, si vous voulez la réécouter, ça se passe où? Sur un podcast. Bah, on sait pas. J'ai bugué. Sur indestar.fr ou sur Spotify, Deezer, MySpace. MySpace, ouais, certainement. Ouais, Ah, toi, t'es 36-15 Minitel, quoi. Exactement, ouais, ça marche. Et n'oubliez pas non plus les petites plateformes de podcast. Ils pensent à nous, j'ai déjà vu, oui. C'est vrai, c'est gentil de penser à nous. Ils recommandent régulièrement nos émissions. Alors que nous, on pense pas à eux, mais. Tout le monde nous recommande. Bien sûr. Voilà, des lettres de recommandation. Et eh ben moi je dis c'est parfait. Ok, on écoute quoi et on fait quoi après? On va essayer de départager juste après, hein, avec tout un Anaïs. On aime beaucoup ce petit jeu. Je pourrais faire un jingle. Bien sûr, c'est même obligatoire. Tu auras quelques minutes parce que avant, encore une musique d'Actu Solide. Oh chouette. Décidément. Vous kiffez ce soir. On les arrête plus. Déconstruction. Ouais. C'est Actu Solide pour ce soir. D'habitude on construit la musique, là on déconstruit la musique. C'est vous ça. Vous avez l'habitude d'entendre des artistes émergents, là c'est des artistes d'émergents. Détergents. C'est après les détergents pour les oreilles. Mais on est fiers que ce soir nos musiques passent sur les artistes immergés. C'est la première fois, c'est les artistes immergés, exactement. On les émerge juste pour ce soir. Profitez-en. Déconstruction, Actu Solide sur Indestar dans cette spéciale. Dans la vie, on fait des rêves. Parce que la vie n'en est pas un. À peine tu survis puis tu crèves. Le reste n'est qu'une illusion, ouais. J'ai fait un rêve. Révolutionner cette teinte société, faire couler la sève, plus que le béton armé des cités. Garder nos rêves, abandonner ces couloirs atrophiés. Pas besoin de thunes, aux chiottes société de consommation. Je demande pas la lune, juste un petit peu de considération. Pas de promotion, Black Friday, crédit de consommation. On a le beurre sans l'argent, ou l'argent, mais la peur de voir ce monde se casser la gueule. Un véritable coup de pied dans ta gueule pour détruire tes enfants, tes aïeuls. On a plus de temps, Et oui, ce soir, c'est la spéciale Actu Solide et nous sommes en forme avec l'équipe Pika et l'équipe Noisette. Ouais, c'est pas en forme de quoi on est, mais on est en forme. Bah écoute, pour l'instant, ils ont pas l'air d'être trop en forme. Hein. Je voulais lancer un petit truc assez sympathique, mais ouais, Pika. Ah, mais ils ont pas l'habitude. Vas-y, fais ton truc habituel, là. Ok. Ce soir, nous sommes avec l'équipe Pika. Il y a une saturation, micro. Noisette. Ouais. Dans Actu Solide. Ouais. Sur Indestar. Ouais. De 21h à 23h. Ouais. Ah, je savais pas, 23h. Non, à peu près. Bah, c'était avant. Ça, c'était on est du retard. Je crois que le micro a saturé de max. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. J'ai vu les voyants rouges exploser. Mais non, on ne sature jamais, nous. Non, on n'est pas du genre non, la saturation. C'est les gens qui saturent debout. Alors, par contre, si vous êtes sur Twitch, parce que vous pouvez nous voir également, vous allez sur indestar.fr, vous avez le petit bouton violet, vous cliquez dessus, et là, vous voyez nos têtes, et vous pouvez admirer une magnifique guitare. Guitare qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à faire derrière le show. Toi, Daniel. T'es de dos, là. Voilà. À mettre un chapeau, voilà. Ça, je ressemble à un cowboy. T'as des papiers sur la tête. C'est vrai, j'ai des papiers sur la tête. Il y avait encore des papiers dans le chapeau. C'est pas très grave. Est-ce que je peux t'emprunter ton micro, Amel? T'es mignonne comme ça, Théo. Histoire de mettre un petit peu de... Ah, il veut la réverb. De réverb. Elle est mignonne, Théo, comme ça. Ouais, je sais, je suis mignonne. J'aime beaucoup tes boucles d'oreilles. Tu veux pas des chamallows aussi pendant que tu... One, two. Je fais les balances, hein. Tu veux un son rond? Je peux faire un son carré, si tu veux. Un quoi? Un son rond. J'ai un son bien rond. Là, je suis en train de manger les marshmallows. Ok. Un. Check. Tu prêtes, Anaïs? Quoi? Oui. Mm-hmm. Vas-y. Ce vendredi soir, c'est le défi de l'année. On n'est pas couché, mais on va kiffer. Mais qui arrive maintenant? Mon petit brin de maïs, ça le fait carrément. Mais on va pas en faire toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs. Tout ensemble. Toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs. Ce vendredi soir, c'est le défi de l'année. On n'est pas couché, mais on va kiffer. Qui arrive maintenant? C'est mon petit brin de maïs. Ça me fait carrément. Mais on va pas en faire. Toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute Anaïs, toute une Anna, toute une Anaïs. Merci, merci, merci. Alors si quelqu'un n'a pas compris, c'est Anaïs. Hein. C'est une ode à Anaïs, je crois. Si vous remarquez bien, l'équipe Noisette a chanté toute une Anaïs, alors que là-bas, ils n'ont rien chanté. Pas de... si, si, Daniel, j'ai entendu Daniel, Daniel chanter. Oui, mais il n'y a que Daniel. Et bah, il y a déjà une personne de l'équipe, c'est bien. Mais j'ai tellement gueulé fort que j'ai chanté pour les trois autres. Ouais, c'est exactement. Mon cliché, Antoine. Mais techniquement, il leur manque un micro aussi. Dis un mot, un point pour l'équipe Noisette. Ça se saute pas le mien. Un poil de cul est glissé dans l'autre équipe. Alors... À quoi consiste ton petit jeu, Alors Anaïs. Déjà, ce soir, vous me devez le respect. D'habitude, attends, non. Non, non, mais attends, il y a un petit problème. Mais ce soir, uniquement oui, voilà. Ce soir. Parce pourquoi tu veux que ce soir, je suis votre prof. Ok. Non, on ne rigole pas. C'est comme ça qu'on m'appelle au boulot. Prof. Prof. Je vais vous proposer cette expression facile. C'est qui s'appelait dans les 7 nains, là? Ou pas. C'est ma stagiaire. Je vous dis le début de l'expression et vous devez me trouver la suite. Donc pour répondre, vous devez m'appeler maîtresse et attendre que je vous donne la permission l'habitude. De parler. Maîtresse, maîtresse, maîtresse. Genre comme ça, quoi. Attention. Ah, bon, même pas. Par contre, toute mauvaise réponse rapportera un coup de règle sur les doigts. Et comme c'est une règle ça, 40 ça, centimètres. Ça, ça, 50 centimètres, elle a vraiment ramené la règle ce soir. Des questions? Non. Je peux non. Répondez bien. Ouais, ouais. Première expression. Entre la poire et le... C'est quoi cette expression? Entre la poire. Allez, maîtresse! Et le. Ça compte faux si j'ai une mauvaise réponse? Bah, non. Un coup de règle sur les doigts. Maîtresse! Maîtresse! Kiwi! Oui? Ah. Non? Je sais pas. Entre la poire et le kiwi? Non! Mais frappe fort, hein! Frappe! Ah, faut frapper plus fort je que ça! Pas lui hein. Casser la main non plus! Donne. J'ai besoin de mes doigts quand même pour pâtisser, enfin boulanger. C'est exactement ce que j'ai fait. Ah hein. Non, il a fait un peu plus mal, maîtresse! Oui? La pomme? Ce n'est pas un fruit! Coup de règle. Vas-y. Comment ça, c'est pas un fruit, oui. La pomme? Non, mais la réponse la n'est pas réponse un fruit. N'est le mot pas qu'elle un cherche fruit. N'est pas un fruit. Entre la poire et le... Maîtresse. Cocon. Oui. Les souris aiment ça. Fromage. Oui. Mais maîtresse fromage. Oui. Oui. Mais, fromage. Entre la poire et le fromage, c'est entre deux événements, quoi. Ah, et pourquoi là une poire et un fromage? Mais d'où elle existe Est-ce cette expression? Est-ce que je te pose des questions? C'est nul comme expression, ça. C'est vrai qu'entre la poire et le fromage. Ça doit bon, venir je suis de désolée, Belge. J'ai choisi des expressions qui sont parfois un peu osées. Tu m'aurais désolée. Dit. Tu osé m'aurais dit entre ah ouais. La viande et le fromage, t'aurais dit la salade. Oui. Mais là, franchement. Mais. Mais non. T'as vu Théo? Deuxième expression. Attends, elle est un peu quoi? T'as vu Théo? Elle assume plus trop là. Tu n'assumes plus tes expressions. Elle assume plus. Alors que t'es dans Actu Solite. Si, j'assume. Ah bah assume. Deuxième alors. Expression. Ouais. Enculé des. Effectivement. Je vois pourquoi tu voulais pas en assumer. Des moutons. Des moutons. Donne tes doigts. Maîtresse. Maîtresse. Maîtresse. Maîtresse. Maîtresse. Attends, attends, attends. A puni, a puni. T'es trop gentille. Oui. Des mouches. Oui. Oui. Enculé des mouches. Mais comment il fait ça lui? C'est être pointilleux, porter son attention sur des détails de peu d'importance. Attends. On a Brigitte avec nous. Brigitte, t'es une ancienne maîtresse d'école. Est-ce que t'apprenais ça aux enfants? Enculé des mouches. Non. J'ai des doutes là. Quand même. C'est de plus en plus tôt. Ce sont les nouveaux travaux pratiques à est-ce l'école. Que peux, est-ce que je peux le dire quand je m'en souviens? C'est ce qu'a fait. Non. Quand bah il y a un mois. Ouais. Bah, le mec qui travaillait avec nous, il disait enculé des mulots. Alors, c'était enculé des mouches. Et on en a parlé ce matin en fait de ça. Ok. C'est pour bon, ouais, il avait la première lettre de bonne. Ouais, c'est bizarre. Tu en as parlé ce matin au travail, ça c'est tout. Tu en as parlé ou tu l'as fait? Donc, ça fait 2 points pour l'équipe Noisette. Hein. Troisième expression. Tremper son. De maîtresse. Maîtresse, oui. Mais de son biscuit. Oui. Ça, je connais. Tu devrais pas à ton âge. Et 3 donc, points c'est... pour l'équipe Noisette. Je dis la définition. Oui. Introduire son membre viril dans un orifice adapté. Ok. Voilà. C'est pas toi, ça, t'es pas mal. C'est la c'est version la plus, ouais, la plus gentille. Light possible. Ah, t'es mignonne. En gros. Professeur, je vous parle bien. Nous éduque, ouais. Et notre expression comme ça aussi. Quatrième. Menteur comme un. Maîtresse. Oui, Brigitte. Un arracheur de dents. Eh ben non, c'est pas celui-là. Quoi? Non, parce que c'est bon. Doigts, non, non, elle est bonne, je recrute, elle est bonne. Oui, mais je n'ai pas celle-ci. Oui, mais c'est pas je la peine. C'est la maîtresse qui ce décide. C'est pas celle que j'ai choisie. C'est la maîtresse qui décide. Oui, mais elle est quand tes même bonne. Doigts. Allez, tes doigts. Je vais tous me regarder. La gentillesse. Oui, mais c'est pas sympa pour Brigitte, ça. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Tu veux donner encore plus de points à l'adversaire? Bah oui, mais faut être correct. Fair play. Hein. Mais fair play, je suis. Voilà. Bien sûr. Voilà. J'ai choisi une expression. C'est celle que vous devez trouver. Ouais, bah je la connais pas, je te la donnerai pas. C'est vrai que hors antenne, j'ai dit pareil. Hein, j'ai dit qu'on tire comme un arracheur dedans. Alors, avez-vous un petit indice? Vas-y. Ouais. Alors, ça fait partie d'un vêtement pour femme. Maîtresse? Oui. Mentir comme un string? Non. Maîtresse? Mentir comme un soutien-gorge? Oui. Oh là là là là là là! Quoi? Mentir comme c'est un soutien-gorge. C'est celle que j'ai trouvée sur. Et alors ça veut dire quoi? Et bah ça veut dire mentir, être menteur. C'est quoi le rapport avec le soutien? Qu'est-ce qui ment? Souvent les. Ça serait un push-up. Je dis pas, mais là c'est un. Mais si ça. Mais c'est parce que tu mens par rapport à la taille de tes seins. Bah oui, avec un push-up ou alors avec des silicones là, mais. C'est une expression que j'ai trouvée sur internet. Putain, ça doit être une expression de milléniaux ou un truc du genre parce que. C'est des. Ça peut être des expressions. Pas du tout non plus. J'ai dit les deux seuls sous-vêtements féminins que je connais. J'aurais fait le listing. Hein. Des vêtements. Ou dans des trucs comme ça. Ça doit être non, ça. Ouais. Peut-être. Ouais. C'est possible. Alors, cinquième. L'argent n'a pas. C'était Nico. Oui. Ouais. Oh, par contre, toi, t'en as un peu. L'enculé. L'argent n'a pas d'odeur. Ça veut dire que peu importe d'où provient l'argent, l'essentiel est d'en avoir. Oui. Ouais. Ouais, bah enfin, ça dépend. Super la moralité. Je vous donne une définition parmi d'autres. Mais c'est génial la moralité dans ce. Ah, c'est clair. Je veux pas dire s'il est passé dans le string avant le billet. Hein. Et bah, y a pas d'importance. Y a pas d'odeur, mais y en a un peu. Au moins, t'as de l'argent. Sixième. C'est ce qu'on dit. Non, je vous donne pas la définition, c'est trop simple. Les Anglais ont. Les Anglais ont. Maîtresse, t'as la mauvaise cuisine, hein, clairement. C'est pas ça, mais c'est gratuit. Non, mais franchement, ils ont plein de choses, les Anglais. Hein. Les Anglais ont. Aha. Maîtresse. Ah, je vous donne la définition. Ouais, vas-y. Hein. C'est ce qu'on dit quand on a nos règles. Mais c'est quoi le rapport? Oh, la main. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois j'ai mes règles, oui. On du rouge. Les Anglais ont du rouge. Boire du vin rouge. Donne tes doigts. Frappe fort, frappe fort. Plus fort. Encore ah, il aime bien. Maîtresse, hein. Allez, donne tes mains. Nico. Ah voilà. Nico. J'ai tapé à côté. Donne tes doigts. Parce que c'est toi. Les Anglais ont quoi? Il y a un mot. Ah, je sais. Maîtresse, les Anglais ont chaud. Non. Ils ont vraiment chaud, les Anglais. Maîtresse, les Anglais ont froid. Antoine, on le disait tout le temps quand on a nos règles. Oh putain, les Anglais ont... On le permis. Ça mérite encore des. Vraiment, vous l'avez pas? Non, non, bah je crois qu'on va pouvoir. Ah, oui. Ils ont mal. Ah, les Anglais ont des fuites. Mais non. Bon, allez, je crois qu'on va donner la réponse. Hein. Les Anglais ont débarqué. Ils ont débarqué, les Anglais. Ah ouais, mais c'est pas les Américains? Non, c'est bah les là, Anglais. C'est les Anglais. C'était la guerre d'avant. Vous connaissez pas? Bah non. C'est ce que je dis à chaque fois. J'ai mes règles. Souvent, j'ai pas mes règles, je t'avoue. Ouais, je vais dire, je connaissais comme Teddy avec les Américains. Ouais. Non, c'est les Anglais ont débarqué. Historiquement, c'est plus les Américains. J'ai l'impression que nous n'avons pas le même dictionnaire. On n'a pas la même histoire. Ah, mais c'est une guerre précédente. Ouais, c'était une autre. C'est vrai, mais même j'étais la seule à connaître. Bah bravo, non, moi, pour une fois. Amélie connaissait. Bah ouais, attends. Septième et dernière expression. On boit un coup quand. Attends, je recommence. On boit un coup où on. Maîtresse. On s'encule. Oui. Franchement, c'est dans la finesse. Toujours, toujours. Ouais. C'est vrai, vraiment, tu... Ouais, ok. Et ouais. Ça veut dire quoi, en fait? Un câlin en manque, je crois. On s'ennuie. Et si l'on buvait plutôt que de parler? D'accord. Oui. Et aussi, on prend le train ou on s'encule aussi. Bah, ça marche avec beaucoup de choses. Je pense hein, que bon. Ça marche avec beaucoup de choses, oui, finalement, ouais. En suivant cette logique, quoi. Et tu dis, ouais, j'ai pas envie de prendre le train, à la fin. Il y a pas le foot aussi, comme ça? Si, oui, ça marche avec tout. Ouais, ça marche avec tout. Alors, récapitulatif des. Non, récapitulons. Non, là, on retrace en ligne droite, je crois. J'ai pas le droit de dire récapitulatif. Si, si, bien sûr. Si, bah si je peux, donc tais-toi. Ouais, mais ça marche pas les dans scores. Ta phrase. Récapitulons. L'équipe Noisette est à 25 points et l'équipe Pika est à 22 points. Ouh là là, attention, l'écart se creuse. C'est bon, on aura pas le titre, c'est bon, ouais, on va les avoir. Catherine, elle est dégoûtée. Elle se dit jamais je gagnerai avec ces branleurs là. Moi j'ai joué, c'est pour les coups de règle. Hein. Oui, oui, on sait que t'aimes bien te faire taper sur les doigts. Ouais, on avait remarqué. Plus les coups de règle que les réponses en fait. C'est vrai que j'aime bien. Mais là, quelque part, on commence à dessiner une victoire qui n'est pas acquise. Attention. J'ai plus de doigts par contre. Allez, ça peut gagner quand même. T'as voulu que ce soit fort. Pour l'instant, on a toujours mené quand même. Moi, on m'a dit quand je faisais quelque chose, il faut avoir l'esprit sportif. Donc depuis. Compétiteur. Non, sportif. Ça veut dire qu'il faut laisser gagner les autres. Ah bon, c'est ça le sport. Ça, pas c'est galant. Oui, c'est ça. Amel. On va essayer de les calmer là juste après avec un petit défi là. Ouais, ah oui, on va là ça sera visuel, donc si vous avez l'occasion d'aller sur Twitch en direct, vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour voir ce qui va se passer. Juste avant, on écoute Tyler World. Mm-hmm. Girlfriend. Ouais. Petite amie. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà, on part dans cette petite ambiance un peu amoureuse ce soir sur Indestar. Oui, c'est mignon. Fais des bisous. Actu solide, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Ouais, bien ou bien. Bien. Et on est carré ce soir. RPZ représente Actu solide. Ici, on est là. Le rap, ça me connaît. À côté, Big Flo et Oli. C'est pas une meuf, allez se coucher. Actu solide, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. Attention. Les casquettes qui vont suivre peuvent être parfaitement reproduites chez vous, parce que ce n'est pas très dangereux quand même. Appuie au dos de ton micro ou parle dans le micro qui est devant toi. Toujours pas. Bienvenue sur Indestar, si vous venez de débarquer dans cette émission spéciale. Vous êtes dans Actu Solide, bizarrement, même un vendredi soir. Parce que ce soir, on élit le concon de l'année. Alors, qui sera le concon de l'année? On va pas tarder à le savoir. Dans moins d'une heure, vous aurez la réponse. Mais avant ça, il y a des équipes, il y a des défis. Et là, il y a du sport en vue, apparemment. C'est ouais. Ça, à peu près. Alors là, on a deux équipes qui se battent depuis à peu près une heure pour être élus concon de l'année. Ouais, les Picas et les Noisettes. Et il me semble que les Noisettes ont une légère avance de 3 points. De 3 points, exactement, c'est ça, ouais. 25 points contre 22 pour le moment. Voilà ça. Et ce soir, ça va être l'heure du défi de la soirée. Quel est ce défi, Amel? Alors, comme vous voyez à la caméra... Non, je vois plus à la caméra. Voilà, voilà, je vois la caméra. Vous voyez un peu l'équipe... Mais arrête de me frapper avec. Et vous avez en fait deux chaises dans le fond de l'open space. Ouais, okay. Nico, dégage. Voilà, merci. Nous avons des ballons sur le canapé. Ouais. On les voit pas, mais on les verra. Il y a Brigitte devant. Voilà, y a Brigitte devant. Ok, voilà, les ballons. Brigitte a monté les ballons. Voilà. On a des ballons. Et en fait, Daniel va devoir s'asseoir sur une chaise. Antoine va devoir s'asseoir sur l'autre. Et les équipes doivent, à tour de rôle, prendre un ballon et l'éclater sur la personne. Oh, c'est les jeux de mariage, ça. Ok, et c'est en relais, c'est ça? En relais, c'est ça. Ok, on a combien de... Qu'est-ce qui se passe? Alors, pas sur Daniel. Mais par contre, Daniel va éclater une personne. Alors, sur Antoine. Non, Antoine et Nicolas, du coup, assis. Ok, vous avez compris la règle du jeu. Vous avez 1 minute 30 pour le faire. Est-ce qu'on peut juste décaler les deux chaises un peu plus Oui, qu'on les voit bien à la caméra, ouais. S'il vous plaît. Parce que là, elles sont trop éloignées. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Un peu plus au fond, quand même, le temps. Il faut vous faire courir un petit peu pour vous. Faut vous faire courir. Côté, pour les calmer un petit peu. Tu as un micro juste ici, Anaïs. Faut qu'on les voit quand même à la caméra. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon, là, je les vois. Ok, très bien. Et vous les cassez en s'assiant sur l'autre ou comme on veut? Ouais, c'est ça. La position que vous voulez, au pire. Dans la position que vous voulez. Est-ce que vous avez bien compris la règle du jeu? On y va. Qui commence, Amel? Bah, on va commencer par l'équipe qui a moins de points, non? Alors, l'équipe qui a moins de points, c'est l'équipe Pika qui commence. Vous êtes prêts, l'équipe Pika? L'équipe Pika? L'équipe Pika est-elle prête? Oui, du coup, Antoine, tu peux dégager. S'il vous plaît. Antoine, tu dégages. Antoine, il n'écoute pas. J'entends. Et s'il vous plaît. Là, vous vous mettez au niveau des canapés. Vous pouvez vous mettre au niveau des canapés. Je veux Daniel et Catherine au niveau des canapés. Voilà. Et je veux Nicolas assis sur la chaise. Voilà, on va y arriver, hein, Théo. J'espère. Mais ils ne nous écoutent pas. Ils sont dans l'autre pièce. Ils ne nous écoutent pas. Ça. Et du coup, Daniel, tu vas commencer à prendre un ballon à notre top parce que vous avez 1 minute. 1 minute, c'est bien 1 minute. 1 minute, ok. Vous avez 1 minute pour écraser des ballons sur Nicolas à tour de rôle. Donc, Daniel, dès que tu as fini, tu tapes dans la main de Catherine et Catherine y va. C'est compris? Allez, attention. 3, 2. Attends, je crois qu'il y a une question. Ah, Catherine n'a pas compris. Mais c'est long ce soir, hein. On va essayer de combler un peu les trous. Ça va être long, hein. Si on commence comme ça. Je pense que Nico va prendre un peu cher, franchement. Regardez bien sur le live Twitch. Ouais, vous allez sur le petit bouton violet là. Allez-y, vous avez encore 10 secondes, hein, 20 secondes. Ah, on il ne marche pas. Le Daniel Nico, je pense que la chaise où Nico va péter. Voilà, bah peut-être que nous aurons un Nico en morceaux. Nico est pas très rassuré. Allez, est-ce qu'on peut y aller, les enfants? Est-ce qu'on peut y aller? Dans 3, 2, 1, c'est parti. Une minute. Et Daniel commence à courir et éclate. Qu'est-ce qui nous fait un ballon éclaté. Allez, faut aller vite. À Catherine, à toi, Catherine. Catherine, on y va. Ah ouais, bravo. Allez, deux ballons pour l'équipe. Elle a foncé dedans. Tu dois taper. Elle a foncé dedans. Tape dans la main. Voilà, c'est parti. Daniel, alors ils éclatent sur les épaules de Nico. Le mieux, c'est de les cuisses aussi. De lui sauter dessus. Enfin, il lui saute dessus, mais différemment, quoi. Voilà, et ça y va, ça marche. Hein. Nous sommes au cinquième. Il s'en prend sur la tête, il s'en prend dans la poitrine. Il lance carrément dessus, quoi. On en est à combien là? Au moins 4 hein, ballons éclatés. 7. Bah là, 7 si Daniel arrive à la faire. Il arrive pas. Ah là là, ça galère. On essaye d'autres ballons, Le mieux c'est de sauter sur la. Il faut sauter sur. Saute-lui sur la tête. Ah non, mais les ballons, ça y est. Ah, ça y est, encore un nouveau. Ah, 2-7. On est à 7. Il vise les ongles. Voilà. Il vise les ongles. Et 8. Et 8. Ça se trouve, Catherine, elle est perçue avec les ongles. Il a vraiment des ongles. Des ongles, pardon. Et de 10. 10 ballons. Et de 11. Ah, c'est terminé, hein, c'est terminé. C'est terminé. Et de 12. Non, le dernier. Non, il y avait 11. On arrête d'éclater les ballons. Il va plus en rester pour l'autre équipe. Ça fait 11 ballons. Et nous sommes à 11 ballons du coup pour l'équipe. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais moi j'aurais bien aimé voir Daniel sauter sur Nico quand même. T'aurais bien aimé que Nico soit complètement détruit. Déjà, là il est déjà détruit, il a les épaules complètement défoncées. Ah oui, j'ai l'impression que Nico tu es en morceaux. Nico, est-ce que tu peux juste te mettre devant la caméra s'il te plaît? Juste pour qu'on voit ton physique de rêve. Voilà, très bien. On va laisser la place à l'autre équipe, c'est à l'équipe Noisette maintenant qui a une légère avance pour le moment. Alors du coup, 25 Antoine, contre 22. Antoine s'assoit sur la chaise. Ok. Remplace Nicolas du coup. Et Teddy, vous pouvez carrément vous asseoir sur lui hein. Oui, vous avez envie de sauter dessus hein, faites-vous plaisir hein, c'est Antoine, il craint rien hein. J'ai pas encore commencé Teddy. Attention, hein. Vous êtes prêts à battre les 11 ballons dans 3, 2, 1, c'est parti. 1. Oh, oh là là, il a explosé. À 2! Brigitte ne tombe pas! 3! Hein. 3! Voilà, ça marche bien pour l'instant! 4! Ah non! 4! 4! 5! 5! Allez! 6! 6! Ça marche bien! 7! Oh! 8! 9! 9! Ah, c'est bien parti! Hein. Il reste combien de temps? Il reste encore 20 secondes! Ah oui! Ah non, 10, 25 encore. 11. 11. 12. 12. 13. Teddy, saute-lui dessus. Saute-lui dessus. Ah, 13, 14. Encore 15 secondes. 15. Ah avec 16. Et ça y va. 17. La tête n'a pas voulu. 18. On n'a plus de ballon dans ça. 19. C'est terminé. Terminé. 19 ballons. C'est fini, ballons. C'est fini, c'est fini. Bravo. Allez, ils confortent leur avance. Hein. 19 ballons contre 11 ballons. Regarde Antoine, s'il te plaît. Antoine, il est mort. Non, mais il a... t'es dit, c'était plaisir. Sur la tête, sur les épaules. Sur les coucougnettes, si je puis me permettre. Ce qui est cool, c'est que Nico et Antoine sont venus ensemble. Ils vont repartir. Ils vont dire plus jamais ça. C'est pas ça, c'est que t'es bien quand il éclate le ballon, mais c'est des coups de poing maintenant sur les coucougnettes. Ah oui, d'accord. Ça fait mal. T'es pour être sûr de éclater le ballon, quoi. Ouais. Bah, il a pas éclaté que le ballon. En moi, ce qui est cool, c'est qu'Antoine pourra jamais procréer. J'ai éclaté toutes les parties d'Antoine. Mais t'es pas obligé de me cracher dessus, par contre. C'est pas très fair play, ça, mon Teddy. Mais non, on est dans la même équipe. J'ai détruit mon collègue. Ouais, peut-être que t'en auras besoin après. Il ne sera plus là, il ne répondra plus présent. Bon, bravo à tous en tout cas. Légère avance, enfin, bonne avance hein, pour le coup. Pour l'équipe des Noisettes. 19 points contre 11. Comment vous l'avez senti? 19 ballons. Hein, 19 ballons, ouais. Par contre, sur moi, j'ai senti un peu de rage, un peu de colère. un peu d'acharnement. Voilà. Putain, Joël, tu fais chier. Pourquoi t'es pas là? Voilà. Je pourrais plus procréer. Juste après, bah, et j'ai spoilé tout à l'heure la musique un peu. Ah oui. Tu veux qu'on écoute quoi là? Eh ben on va écouter encore nous. Avec Too Solid. Ouais, mais là on a fait un bootleg. Oui. On a mélangé deux chansons.

Quoi? Parce que je suis sûr qu'ils ont, comme dit Teddy, ils ont pas éclaté que les ballons, donc on peut être. Tu nous feras. Non, je veux le rapport de l'hôpital. Non, non, franchement, ça vient là à côté. Ce qu'on a éclaté aussi, ça vaut 5 points. Ouais. Je précise, c'est d'autres modèles de ballons qu'ils ont éclaté. Oui, oui, oui, c'est un, modèle, un peu plus petit. C'est des ballons, c'est des ballons miniatures. Voilà, exactement. Cela dit, c'est pas parce que vous avez cette confortable avance qu'il faut relâcher la pression. Parce que le jeu suivant, il va y avoir une ribambelle de points à gagner ou à une ne pas ribambelle. Gagner. Une ribambelle, exactement. Donc, sachez que l'équipe des Pika, vous allez pouvoir remonter, égaliser, voire non, même non, dépasser. Non, non. Si. Je crois qu'on accueille un DJ, il me semble, ce soir, Amélie. Oui, c'est ça. Nous avons l'honneur d'avoir un DJ avec nous ce soir. Un DJ un petit peu ringard peut-être, mais un DJ quand même. Mais on a l'honneur quand même de l'avoir. Il nous a dit, moi je veux une musique d'intro, je veux un truc qui envoie du lourd, donc voici la musique qui envoie du lourd. Ah oui, c'est vrai que ça envoie du lourd. Bougez vos têtes, bougez. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ce superbe jeu et merci de m'accueillir, mademoiselle Amélie, pour cette spéciale question pour un concon. Qui sera le meilleur concon, la meilleure coconne de l'année? Ce sera peut-être vous. Eh oui, mesdames, et oui, messieurs, c'est pour vous, mesdames et messieurs. Eh oui, mais surtout pour vous, mesdames. Alors, ce soir, un maximum de points à gagner. J'ai un petit problème, cela dit, avec ma platine, c'est-à-dire que souvent, quand je mets le son, il se met à l'inverse. Il se met en reverse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que la platine qui a un problème, mais bon. Ah bon, vous croyez que j'ai un problème? Je suis à fond dans l'animation, pourtant. Depuis une trentaine d'années, je fais ça à mon métier professionnel. Alors, le principe du jeu est très simple. Je vais vous balancer le son, d'accord, en reverse. Et au bout de quelques secondes, normalement, ma platine se met à fonctionner. Cela dit, si vous avez le titre de la chanson ou l'artiste avant que la chanson se mette en condition normale, vous gagnerez 3 points, d'accord ? 3 points gagnés par réponse. Par contre, si vous avez la réponse une fois que le titre s'est mis en mode normal, à ce moment-là, vous n'aurez qu'un seul point, d'accord ? Et est-ce qu'ils disent, dès qu'ils l'ont, ils le disent ? Dès que vous avez la bonne réponse, vous la donnez ! Oui, chef. Ok. Bien, chef. Attention, je vais verser les platines. Son du volume au maximum. Ce soir, en Melway. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti pour mes extraits. Attendez, je touche. Ah, un marque. Camila Cabello? Oui, c'est la bonne réponse. Alors exactement, c'était Camila Cabello avec Ed Sheeran, avec le titre Bam Bam qui cartonne en ce moment partout à la radio. C'était la bonne réponse évidemment. Ça doit marcher aussi sur Intermarché de la radio. Oui. On y va pour le deuxième type. Attention, sort du volume max. Non. Pas du tout, attention. Boys, Sabrina, allez, il y avait un peu des deux, allez, on va compter 2 points. 1 point pour l'équipe Noisette et 1 point pour l'équipe Pika. C'est vrai. Bon, vous l'aviez plus en version normale qu'en version reverse, ouais, hein, pour le moment. C'est clair, ouais. J'ai l'impression, attention, troisième tour, on enchaîne. Les années 90 quand même. What you want? C'est pas la même zit. Laisse pas jusque. Non. Pas du tout. All Sense. Pas du tout. L5. Non. Non, pas du tout. C'était Ace of Base avec All That She Wants. All That She Wants. Putain, j'étais presque. Nanana, baby. C'est pas dit. C'est un truc de vieux, ça. Pas ouais, du tout, ouais, c'est un truc de vieux. 1994, non, c'est pas vieux, c'est j'étais 90, pas né. J'étais pas né. Moi je faisais déjà des soirées évidemment. Oui. Alors attention, on y va, le titre suivant. Color to change. Non. Non, je vais pas l'avoir. Bordel. C'est actuel, ça passe en ce moment à la radio. C'est agent. Je sais pas, je sais plus. Personne ne l'a, le titre de Kungs avec Clap Your Hands. On clap your hands, allez. Allez, on tape dans les mains. Allez, on frappe dans les mains. C'est génial. Ça cartonne en ce moment, bah vous allez pas me dire que c'est des trucs de vieux, ça. Non, je savais juste pas qui c'était en fait. Bah, c'est dommage, hein. Inconnu. Allez, attention, on y va pour le titre suivant, maintenant. Ah, là, de Connemara. Non. Ah, c'est un truc avec Pirates des Caraïbes, là. Non, pas du tout. Ah, tant pis, attention. Ah, Ilona. C'était Ilona. Oh, il l'a trouvé à l'envers. Ça fait 3 points pour l'équipe. Allez. En version boîte de nuit. Ça va pas des souvenirs, là, hein? Ouais, on vient de loin, là. Attention, on est parti pour le titre suivant. The Ring. Elle est facile, celle-ci, quand même. Ah, Angèle. Oui. Oh, vous l'aviez juste avant. C'est bien. 3 points supplémentaires pour l'équipe Noisette. Mais démons. Bah, titre actuel, bien entendu. Non, mais des démons. Bravo Teddy, bravo. Est-ce que je peux rajouter un petit truc? Oui, allez-y. Je suis stupéfaite, parce que pour une fois, Daniel ne dit rien. C'est vrai. Et j'ai Teddy, pas envie de parler. Il ne parle pas. Je laisse les autres gagner. Moi, ce qui me stupéfait le plus, c'est que Teddy y arrive aussi bien. Ouais. Oui, moi aussi. Ouais. Ouais, oui, ça, ouais, ça, ouais. On est surpris ce soir. Attention, titre suivant. Ouais, c'est ça. C'est un truc de boomer, bordel. Attention, ça passe en mode normal. Techno, techno, techno. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Unlimited avec nos limites. Je sais pas. J'aurais jamais pu trouver, je la connais, mais je sais pas qui c'est. Les années 90, bien sûr, c'était hier. Bien sûr. Allez, allez, attention, on y va, titre suivant. J'ai l'impression que personne là. Non, personne ne l'a. C'est actuel, ça passe en ce moment dans toutes les boîtes de France et de Navarre. David Guetta, Crazy What a Lover Can Do, évidemment, c'est le titre qui passe en ce moment à la radio. Pas, ouais. Mais comment il se la pète de la façon dont il parle? Wow. Il est DJ. Je suis DJ, je parle normalement. Je parle comme ça dans la vie, hein. Allez, attention, titre suivant. Je connais pas le titre, je sais pas comment ça s'appelle. Les années 90 toujours. Comment? Non, c'est pas Because the Night. Rhythm of the Night. Allez, je l'accorde, c'était The Rivers of the Night. C'était Corona, oui, mais oui. Bien joué. Et y a pas le virus. Ouais. C'est 3 points du coup, hein. Ah bah ça fait 3 points. Attention, c'est le dernier titre. Ouais, j'en sais trop rien. Ouais, c'est parti. Bruno Mars. Oui. Oui. Il l'a dit avant. Donc limite tout soir. Allez, d'accord, c'est accordé pour Nico, on te fait confiance. Allez, ouais, quand même, maintenant qu'ils sont tellement devant, on peut marquer quelques points. C'est cadeau, ça fait plaisir. Bruno Mars avec Mark Ronson, c'était Uptown Funk. Bruno Mars. Bravo, bravo. On laisse Amel compter les points. Non, non, mais ça y est, on peut embarquer comme ça. Allez, on s'en va, nous. Je pense que là, il y a un gros avantage pour l'équipe Noisette, qui est à 55 points contre 37 seulement pour les Picards. Les écureuils, ça fait des réserves. Hein. Aïe. J'ai l'impression que ça se creuse sérieusement, mademoiselle Amélie, non? Ah bah il commence à avoir un bel écart, mais tout peut changer, il reste encore une dernière épreuve. Je sais pas épreuve, si tout peut changer, mais est-ce qu'on peut mettre un peu de musique, quoi? Non, on veut pas que ça change. Ouais. Allez. Mais qu'est-ce donc? Je veux que c'est chaud ce soir. Ouais. Est-ce que elle est chaude, la radio? Ouais. Est-ce que vous êtes chaud et prêt pour gagner? Ouais. Est-ce que vous êtes paré pour écouter de la musique? Ouais. Alors écoutons de la musique. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute, Amel? Ouais! Ah, non! Actus Solia Actu, merde putain, actu solide. Oui, tout à fait. L'herbe grise. Ouais, ouais. Un titre vachement déprimant, mais fait par nous-mêmes. C'est ouais, génial. C'est ça. Et c'est sur une star, bien sûr. Parce que c'est là où tout commence. Je me réveille, la tête dans le cul et le cul en l'air, dans un champ de misère. L'herbe est grise et le temps assombri, est-ce un défi qu'on m'aurait donné pour me faire galérer? Mais je me suis relevé, car je suis un homme et un homme qui vit, mais qui déprime, parce que je vois tout autour de moi rien qu'un champ de mine. Comme si une bombe m'avait frappé là, l'amphétamine. Et ce mélange de bœufs qui me met dans le mal, mais à quoi ça rime? Car le retour est dur et il me fait mal. J'ai mal, j'ai mal. Mon cœur vacille, mon cerveau ne répond plus. Je suis perdu, perdu. Et si cette herbe grise était le mal absolu, je fume, je fume. Mais les conséquences de ce surplus sont là. Et me noie dans une euphorie qui n'est pas la vie, la vie. C'est dur de me voir comme une, comme un garçon en toc, mais dur de laisser de côté mon penchant de camé, de laisser tomber, parce que je sais que ça peut tout changer et me faire glisser en voulant m'en sortir encore plus m'affaiblir. Alors j'oublie, je m'en regris une pour oublier mes ennuis, un bon moment, mais de courte durée, le batterie pas annoncé, c'est en toussant que je vais gerber ma réalité. C'est pourtant ma vie que j'aimerais changer, mais il faudra m'aider. J'ai mal, j'ai mal. Mon cœur vacille, mon cerveau ne répond plus. Je suis perdu, perdu. Et si cette herbe grise était le mal absolu, je fume, je fume. Mais les conséquences de ce surplus sont là. Et me noie dans une euphorie qui n'est pas la vie. Arrêtons les conneries, prenons le contrôle de nos vies. Ouvrons les yeux pour aller mieux. Stoppons les bêtises, mettons fin au malheur. Pour que cette herbe grise retrouve ses couleurs. Actu solide sur Indestar, quoi d'autre? Enfin, what else? Bah, un café, Georges. Eh oui, bah nous on continue à carburer, on n'a pas bu de café, mais. On a bu autre chose. On a bu autre chose. Bah non, juste. Aussi, du jus quand même tout à l'heure. Ah, de l'oasis. Ah, de l'oasis. La force du fruit. Évidemment. De l'autre fruit. De l'autre source des fruits de... du fun. De l'autre fruit. De l'autre fruit. De l'eau et du fun. Des fruits de source. Bah, sur une des sœurs, vous avez au moins le fun. Hein. Ah, bah évidemment. Tout au et long de l'année. Et surtout le fun. Heureusement. Garde le fun dans ta tête. Alors, est-ce que l'équipe Pika va réussir à avoir l'avantage par rapport à... Non, non, il faudrait sérieusement vous y mettre les Pika. On n'a pas envie, n'est-ce pas Nico? Catherine. Mais Catherine, elle a envie. Elle a envie de gagner. Laissez-la gagner. Vu que ça fonctionne comme ça. 37 points bon, seulement pour l'équipe Pika contre 55 pour l'équipe Noisette. Ça a été serré pendant 1h15 à peu près et d'un coup... Ah bah là, il y a distanciation sociale. Voilà, c'est ça. Il vous faut 18 points quand même pour nous rattraper. Ouais, ouais. Ça va être compliqué. Ouais, bah on les veut pas. On les veut pas. Sachant qu'il y a environ 5 points à gagner. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière manche? Ouais. Et juste après. Mais oui, bah, t'inquiète pas. Et juste après, on connaîtra enfin qui est les grands gagnants dans Question On les connaît, là. Qui sont les super concons de l'année? Ce sont eux. Alors, le principe est simple. À tour de rôle, je vais vous poser 3 charades à chaque équipe. Charade, bon. Pour me trouver le mot qui se cache derrière. Attention, vous avez seulement 30 secondes par charade pour me trouver la bonne réponse. Donc un coup, je vais commencer par exemple par l'équipe Pika. Ok. Ensuite, je fais l'équipe Noisette. Noisette, etc. D'accord. C'est bon, ça vous va? Pika, Noisette, Pika, Noisette, Pika, Noisette. Ça vous va? Ça fait un style, ça Pika, Noisette. Ça vous va ou ça vous va pas comme ça? Non, parce qu'elle a demandé si ça nous va pas, on peut en réclamer, hein. Non, si ça vous va pas, vous quittez ce studio sur le champ. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt, oui. Théo, pour me mettre les 30 secondes dès que ah bah, je commence pense à parler? Je croyais que c'était nous, est-ce que vous êtes je vais demander à Henri de le faire, ouais, c'est son rôle. Tout à fait, mademoiselle Amélie, je suis là et je suis paré pour lancer le chrono des 30 secondes. Est-ce que tu as vu si notre équipe qui allait commencer est au taquet ou pas? Ah bah j'espère bien, mais en tous les cas, on va commencer par l'équipe Pika. Hein. C'est ça. Bah ouais. Ils sont plus après. Dès que je commence à parler, attention, hein, gros stress. Hein. Allez, tu mets les 30 secondes. C'est parti, Manozalab. Mon premier est une onomatopée qui exprime la colère. Mon deuxième est une sorte de patte. Mon tout est un animal qui vit dans les mares. J'ai bugué. Qui suis-je ? Mon premier est un onomatopée qui exprime la colère. Mon deuxième est une sorte de patte. Mon tout est un animal qui vit dans les mares. Ouais, Paul, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Antoine, il l'a en plus. Bah oui. Elle était simple. Moi aussi, je l'avais, mademoiselle Amélie. Bah oui, évidemment. Je peux pas faire c'est ça. C'est terminé, malheureusement. C'était la grenouille. Grenouille. Voilà, voilà. C'était facile. Hein. Et on verra, du coup, l'équipe Noisette. On va voir si vous trouvez pour la c'était vôtre. Facile. Ouais. Attends. Bah, ça la fait... preuve, on n'a pas trouvé. On joue pour combien? On joue pour un point. Un point, c'est ça, pour le ouais, moment. Ouais, ok. C'est ça. Attention, l'équipe Noisette. J'ai du mal avec votre prénom. Mon premier souffle sur la terre. Mon deuxième est le contraire de meilleur. Mon tout aime le sang. Mon premier souffle sur la terre. Mon deuxième est le contraire de meilleur. Mon tout aime le sang. Je ah, vampire. Une... Vampire. C'est parfait. Je vampire. Pose une réclamation, là, l'a répété deux fois, pas nous. Ah si, j'ai répété bien deux sûr, fois. Moi, j'ai entendu qu'une fois. Hein. Non, non, on l'a répété. J'ai répété deux fois. Il a répété, bien sûr. Ouais. Sur mon ardoise, j'ai écrit « vent moins ». Et avec une faute en plus. Oh là là, c'était dur, hein. La vôtre aussi était facile. Hein. La vôtre aussi était facile. Je sais pas ce que c'est. Une dernière facile, alors. Après on passe au plus compliqué. Sinon, c'est pas un bruit. C'est pas notre faute. Bon, déjà, qu'on trouve pas les faciles, alors on va pas trouver les compliqués. Est-ce que vous êtes prêt, Henri? Oui. Tout à fait, mademoiselle Amélie, je suis prêt à appuyer sur le bouton. Mon premier est un petit cube ayant des nombres inscrits sur ses faces. Mon bois se transforme sur mon deuxième si on y met le feu. Mon tout est l'inverse de monter. Qui suis-je? Attends, on se consulte. Mais oui, c'est facile. T'as une idée? Ouais, Non, mais je crois qu'avec cette histoire-là, on va se faire descendre. Hein. Ouais. Ouais, on va se faire descendre. C'est pas là. Mal. C'est pas beau, mal. C'est beau. C'est beau. C'était la bonne réponse, évidemment. Il y a le sens de descendre, ça fait descendre. Vous notez les points pas du tout. On a plus de moyens de stylo dans. Ouais, c'est bon, vous l'avez trouvé? Alors, donc, ça fait un point supplémentaire pour l'instant pour l'équipe Noisette et un point pour les Picards. Parce qu'on n'aurait pas marqué un point, ils auraient râlé, ils auraient dit qu'on l'aurait fait exprès. Donc, il fallait qu'on en marque un quand même. Voilà, c'est ça. La quatrième, c'est pour l'équipe Noisette. On joue toujours pour un point? Oui, c'est ça. Ok. Attention, stop. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième n'est pas épais. Mon tout est un animal qui vit dans l'eau. Dauphin. Oui. Le dauphin. Et c'est Brigitte qui a c'est Brigitte, trouvé la vous avez, si vous avez entendu, elle a dit dauphin. Ouais, ouais, j'allais tenter lapin, mais dès qu'elle a dit animal dans l'eau, ouais, je me suis dit, ah, lapin dans l'eau. On est d'accord, on a commencé c'est, par deux faciles. C'est bizarre que t'aies pensé au pain. La fin, en fait, dans ma tête, j'ai fait, mais c'est pas grave. Mais oui. On est d'accord que là c'était un peu facile quand même, Henri. Oh bah c'était très très simple, mademoiselle Amélie. C'était dur, hein. Pas tant que ça. Ah, ah les amis, c'était parce dur. Que là ça va se compliquer. Ouais. Bah, mais attends, là, ouais. Oui, parce qu'on monte le niveau du coup. Et là cette fois-ci vous avez une minute. C'est le niveau simple. Voilà, vous passez au niveau et supérieur. Cette charade vaut 3 points. Attention, une minute et 3 points supplémentaires peut-être pour vous, l'équipe Pika. C'est parti. Alors mon premier est une voyelle. Mon deuxième est une personne qui a du mal à entendre. Mon troisième vaut 501 lorsqu'il est écrit en chiffres romains. Il ne faut pas perdre trop de mon quatrième sous peine de mourir. Mon tout se dit d'un bruit large et fort. Ah. Mon premier est une voyelle. Mmh. Tu l'as envie ? Oh, oui. Mon deuxième est une personne qui a du mal à entendre. Mon troisième vaut 501 lorsqu'il est écrit en chiffres romains. Il ne faut pas perdre trop de mon quatrième sous peine de mourir. Mon tout se dit d'un bruit large et fort. Je sais pas, assourdissant. Oui, oui, c'est la bonne réponse. C'est ça. Mais je pense assourdissant. Que... Ouais, on a marqué. Là, actuellement, il y a un petit. Non, mais faut qu'on montre qu'on est content, bordel de merde. C'est très tellement rare qu'il faut le noter. 3 points. Non, parce qu'après ils vont dire qu'on le fait exprès, j'insiste, mais non. Je pense que du moment où t'as déjà le sourd, perso, on l'avait tu vois pas. À peu près loin. J'avais un sourd et j'avais vie, mais vie, c'est pas. Moi, je l'avais. Dissant. Assourdissant. Il avait assourdissant. Allez, pas trop. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe Noisette? Yeah. Ouais. Pareil, vous avez une minute et la charade vaut 3 points. Mon premier est le croisement entre un âne et un cheval. Mon deuxième est un acarien qui suce le sang de ses victimes. Mon troisième est essentiel à la survie de l'homme. Mon quatrième est un prénom féminin. Mon tout pourrait qualifier plusieurs couleurs. Là, c'est pou. Multicolore. C'est ça. Multicolore. Ils sont rapides. Oh là là là là. Et ils ont mis 20 secondes. C'était plus facile que nous. Hein. Je l'ai pas compris. Non, parce que je l'ai trouvé tout de suite celle-là. Ah oui, bah oui. J'ai l'impression que quand c'est pas à nous, tu sais, genre quand c'est pas à nous de jouer, bah forcément. Je pas enlevé le chrono, Henri. J'ai enlevé le chrono. Oui, je sais pas pourquoi, chaque fois j'ai l'impression que. Alors là, je crois que c'est la dernière charade. Non, bah c'est bon. Ah, c'est terminé, d'accord. Alors ça fait 5 points pour l'équipe Noisette et 4 points pour l'équipe Pika. On rajoute ça. Allez, on creuse encore un peu. D'accord. Pour donner le score final. Et je crois qu'il est sans appel. Je crois qu'il est sans appel. On va pas faire appel, t'affole pas, on a pas envie. Hein. Allô. On a un appel. Est-ce qu'on peut laisser Anaïs. C'est le score qui nous appelle. On peut laisser Anaïs nous dire qui sont les grands gagnants de cette saison. Oh là là là là. Et là, c'est un moment important, ça méritera un roulement de tambour fait à la main, Amel. Roulement de tambour fait à la main. Les gagnants de la première saison d'Actu Solide, question pour un concon, sont... L'équipe Noisette. Bravo. Combien de points pour l'équipe Noisette? Avec 60 points. 60 points. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Et on va aussi remercier du coup l'équipe Pika qui a joué aussi ce soir. Qui a joué ce soir. Bouh. Combien de points pour l'équipe Pika? 41. 41. Elle a raison, on peut quand même nous remercier. Parce que s'ils avaient été tout seuls, ils auraient été perdants et vainqueurs en même temps. Et gagnants, ouais, même c'est pas un trop peu plus compliqué. Que ouais. Like comme ça, ils sont que gagnants. Remercie tout le monde d'avoir joué et est-ce qu'on offre des cadeaux à nos gagnants? Bah non. Bah non. Ah, si. Ça dépend s'ils sont bien. Je croyais qu'il y avait des vrais cadeaux cette fois-ci. Il y a des vrais cadeaux à gagner. Alors attention, est-ce qu'on peut me donner le sac qui est par terre, s'il vous plaît? Il y a une PS5. Et en plus, ils demandent ça aux perdants. Non, mais attends, tu te fous du monde là. Il y a une PS5 ou pas? Franchement. Non, l'autre non, sac. Non, pas de PS5. Il y a une PS2, une PS3, en fait, ça fait PS5. C'est ça, accumuler, ça passe. La main innocente d'Amélie va chercher... Alors, je veux une vraie main innocente. Mais ta gueule, toi. Va chercher dans le sac et il va prendre... la main innocente. Les cadeaux pour Teddy. Quel est le cadeau? Non, le cadeau de Teddy. Eh bien, pour toi, Teddy. J'en ai déjà gagné une fois. Des magnifiques broches à mettre dans les cheveux. Merci, merci. Pour Antoine, ce c'est soir. C'est magnifique. Des petits trucs à mettre dans les cheveux. Du rose. Oh, c'est mignon. Une petite gourde pour l'été. Tu vas bien pouvoir sympathique. Siroter tranquille. Tu vas pouvoir siroter avec la petite paille qui va avec. Et enfin, pour Brigitte. Et en plus, c'est ma couleur préférée. Pour Brigitte. Oh, bah Brigitte, elle va pouvoir s'éclater sur la plage. De quoi s'amuser à la plage. Ah, oui. T'amuser à la baballe. Ça, c'est cool. C'est pour avec la petite balle qui se scratch directement. Tu joues à ça sur la plage. Par contre, avec une assiette parce que t'as pas de manche à la raquette. Non, c'est tu mets tes mains derrière. Mais nos perdants ne partent pas non plus beaucoup. C'est pour les serveurs en fait, pour qu'ils s'entraînent à attraper les verres. Alors ça permet de retenir les verres. C'était pas prévu, nous on a perdu pour pas avoir de cadeaux. Nous. Alors vous avez perdu, mais vous avez quand même droit à des cadeaux qui sont un petit peu de moindre valeur. Ils sont dans le sac. Qu'on peut nous donner s'il vous plaît. Non mais ça tu peux donner le sac, c'est pour nous, y a pas de problème. Ah bah là on donne le sac plus facilement. Bah bien sûr. Dans ce sac là, que se cache-t-il? Peut-être une voiture? Vous prenez le rideau. Alors, faut trouver le numéro. Et de la un liste. Paquet de bonbons chacun. Oh là là, c'est bon ça. On peut peut-être en donner deux, on est pas radin. Ouais, allez, un paquet. Alors, réclamation. J'ai eu des paquets de merde. Ouais. Et un paquet pour Catherine. Tu comprends maintenant pourquoi on a perdu. Allez, un deuxième paquet. Un deuxième paquet pour Nico. Je suis heureux d'avoir perdu. Et un troisième paquet. Non, non, c'est pas exagéré non plus. Je suis heureux d'avoir perdu. Mais il y a Teddy, il se dit, mais pourquoi j'ai pas perdu? Mais c'est clair. J'ai eu des barrettes. J'ai même pas de cheveux pour mettre. Si t'as pas de barrette, t'as pas de cheveux. Bah ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot des gagnants avant de terminer? Ah bah bien sûr, un discours. On voulait quand même dire qu'on est tellement ému d'avoir perdu. Je comprends. Et que disent les gagnants? Est-ce que vous êtes contents? Alors, c'était un match tactique, très stratégique. Je pense que nous avons été particulièrement efficaces en deuxième mi-temps. Notre jeu offensif était quand même vachement pointilleux. Notre milieu de terrain s'est vraiment sacrifié. Enculé par des mouches du coup. Oui. Il a vu des mouches, il s'est fait enculer. C'est Antoine. Il a pris cher, mais bon, son sacrifice n'a pas été vain. Ça nous a permis de prendre la tête et de vous enculer. Parce que vous avez été mauvais. De créer de la distance par rapport à l'équipe numéro 2, c'est-à-dire l'équipe Pika. Bon, en fait, tous les cas, bravo et à tous. C'était un mot des perdants, non? Ah non, mais ils ont dit leur mot. On a dit qu'on a tué non. Ils ont dit leur mot. Ah bah oui. C'est bien parole de pardon ça. Amélie, on est quelle date? Le 24 juin. C'est-à-dire passé. Alors c'est l'été a commencé. Oui, bah, oui, mais l'été, tu m'as compris, l'été vient de commencer. C'est l'été. Saucisse merguez. Déjà, tu connais la chanson. Nous avons la musique emblématique d'Indestar, je dirais. Celle qu'on connaît à peu près par cœur. Qui s'appelle. Et on a quand même besoin d'un karaoké. C'est vrai. Qui s'appelle Rikun. Ouais, avec le titre C'est l'été. Alors, le principe pour terminer cette émission, on va se dire au revoir là-dessus. Hein, ouais, parce c'est que ça. Après, on aura A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Non, c'est la reprise. Voilà. Vous avez déjà vu la traduction en français de cette chanson? Ouais, je crois qu'elle veut rien dire. Bah, si, c'est vachement vulgaire, c'est encule-moi ou. Non, c'est va te faire foutre, grosso modo. C'est pareil. C'est une meuf qui fait une complainte à son mec, genre va te faire foutre, grosso modo. Je m'en fous de ta caisse, ta famille, ta mère, ce genre de truc. Je te l'ai envoyé, c'est excellent. Je croyais que c'était une parodie, mais non, c'est la vraie. Non, c'est les vraies paroles, c'est vulgaire. Très bien. C'est excellent. Mais avant d'écouter cette magnifique reprise et de souhaiter la bonne nuit, on écoute nous-mêmes, encore une fois, mais cette fois-ci en live, puisqu'on va vous chanter en karaoké. C'est ça. Maintenant, c'est l'été de Rikun. Baissez vos enceintes quand même, hein, si c'est un conseil qu'on vous donne. Est-ce que vous êtes tous prêts à chanter? Attends, je me lève un peu, hein. Allez. Je me suis Lévons-nous. Non, pas moi. Bah, reste assise. Tout le monde est prêt? Ouais, attention. Elles sont juste devant vous. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on va entendre? Ça a marché tout à l'heure. Normalement, ça marche, hein. Ah. C'est l'été! Y'a le soleil qui chauffe le toit de ma Clio. Coincé dans les bouchons, c'est comme si je roulais en fourneau. J'ai la glotte en poussière et la langue en feutrine. Dans moins d'une heure, j'espère que j'arriverai au camping. Remplace-moi 69 comme les autres années. Olaf, on voit que Finlandais a déjà débarqué. En chantant des blagues, tout le monde se marre. À la fin du repas, moi je sors ma guitare. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, j'ai passé le rosé. C'est l'été, chouchou, mets des sorbets. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Allez, c'est pour finir. C'est que début. Au concours de pétanque, on a pris la famille. Pour s'amuser les dames, on jouait comme des jacquis. J'ai dû pointer trop fort, le bouchon s'est noyé. On l'a cherché partout mais on l'a jamais retrouvé. On l'a pas mis le feu à la soirée disco. Sur la piste de danse, on aurait dit John Travolta. On l'a pris les pas pour danser la crapola. Du coup il a payé une tournée de tequila. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, mais passez le rosé. C'est l'été, chouchou, mets des sorbets. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Hé, hey, c'est pour finir. Clio est chargé, ça penche à l'arrière. La plage c'est fini, il faut retourner dans les terres. On a pris des photos avant de s'embrasser. Dans le rétroviseur j'ai vu mes amis s'éloigner. C'est pas grave car c'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, mets des sorbets. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été, c'est l'été, je vais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, mets des sorbets. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Oh, toi, mon avis du bout du monde, cesse donc de te faire du souci. Les femmes sont splendides, la vie est belle. Attrape ton verre et viens trinquer. C'est l'été, je suis merguez taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, mets des sorbets. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Hey, c'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, mets des sorbets. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Hey, c'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, mets des sorbets. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Wouh! eh bien, c'est sur cette note positive et entraînante que nous nous quittons. Le prochain concert de la chorale d'Indestar, c'est ah quand? Bah c'est dans 20 ans. Pas avant. On va attendre un peu avant. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.